Virgin Radio. On termine ensemble le warm-up avec le pop-rock électro que vous aimez. C'est Félixienne, Camille, qui paiera aussi votre loyer. Ce sera tout à l'heure à 6h20. Flying through the stars, I hope this night will last forever. Choisi Virgin Radio ce matin et vous avez raison, émission exceptionnelle. Dans un instant, le Kid Stony qui arrive juste après l'actu. Virgin Radio. Et en écoutant Virgin Radio ce matin, vous avez 10 fois plus de chances de ne pas prendre de PV de stationnement. C'est une étude que j'ai menée moi-même à vérifier, peut-être ou pas. Dans quelques instants, Camille et toute l'équipe qui paye votre loyer, inscrivez-vous dès maintenant le loyer, votre numéro de téléphone au 7 12 13. Retrouver Camille et les enfants, place à l'actu sur Virgin Radio. Les enfants un peu partout en France, c'est avec Tristan Sarah. Salut Tristan. Salut Robin, bonjour à tous. Encore 8 départements en alerte aux orages et aux inondations ce matin dans les Hauts-de-France, la Normandie et la région parisienne. Un risque de grêle sur le nord-est, de belles éclaircies sur la côte atlantique et la Méditerranée. 22 degrés cet après-midi à Paris, 30 du côté de Nîmes. Après les crues, la facture s'annonce salée pour les assureurs. Le coût des dégâts est estimé entre 900 millions et 1,4 milliard d'euros. L'état de catastrophe naturelle doit être entériné ce matin en Conseil des ministres pour enclencher au plus vite les indemnisations. Par ailleurs, les orages ont fait une victime hier, un homme noyé dans sa voiture dans le Pas-de-Calais alors qu'il s'était engagé sur une route inondée. Le mauvais temps qui s'évite aussi en Belgique. Le plat pays est touché par d'importantes inondations et des chutes de grêle impressionnantes. Le plan d'urgence est déclenché dans plusieurs communes. L'autoroute vers Lille est fermée entre Tournai et Bruxelles. La capitale où une station de métro est également inondée. À deux jours de l'euro, les grèves et les manifestations continuent. Les cheminots poursuivent leur mouvement et le trafic sera encore très perturbé ce mercredi. 3 TGV sur 4 seulement et 6 TER sur 10. Grève reconduite également dans le traitement des déchets en région parisienne, dans la zone industrielle du Havre ou encore dans certaines raffineries. Les agriculteurs, eux, relancent la mobilisation contre la crise agricole. Des rassemblements hier à Nantes. Opération de contrôle de produits à Rennes. Déversement de fumier à Limoges. Les paysans dénoncent notamment des prix d'achat trop bas de leur production. Une victoire pour Jérôme Kerviel. Le Conseil des Prud'hommes a condamné la Société Générale pour le licenciement de son ex-trader. Un licenciement jugé sans cause réelle ni sérieuse. C'est aussi la première fois qu'une juridiction reconnaît que la banque avait connaissance des agissements de Jérôme Kerviel avant le scandale. La banque doit lui verser 455 000 euros. Elle a fait appel. Et puis à l'étranger, c'est fait pour Hillary Clinton. À 68 ans, elle remporte les primaires démocrates. Elle vient de revendiquer la victoire lors d'un discours à New York. Première femme à être investie cet été par un grand parti américain pour la présidentielle. Elle affrontera le républicain Donald Trump le 8 novembre. En foot, le successeur de Laurent Blanc pourrait être Unai Emery. Les dirigeants du PSG seraient en négociation avec le stratège espagnol. Le journal Le Parisien rappelle qu'il vient de remporter 3 Ligues Europa d'affilée à la tête du FC Séville. Laurent Blanc, lui, est actuellement en congé. Le français Jimmy Vico a égalé hier son propre record d'Europe du 100 mètres en 9 secondes et 86 centièmes au meeting de Montreuil. Nouvelle meilleure performance mondiale de la saison. Et puis l'inauguration aujourd'hui du Wimbledon Normand près de Deauville. Un complexe d'une dizaine de courses sur herbe, dont un central, un centre où ouvert à tous à condition d'en avoir les moyens. 40 euros pour jouer une heure. L'abonnement annuel débute à 800 euros. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Kids Tonic. Une émission spéciale Kids avec Camille Combal et des enfants venus de toute la France jusqu'à 9h30. À suivre aussi en streaming vidéo via notre site virginradio.fr. Sur Virgin Radio, les amis, c'est le Virgin Tonic en direct avec vous, 6h-9h30 comme chaque matin, avec toute l'équipe qui est là bien sûr. Ouais. Et avec un public un peu particulier ce matin, ça va les enfants? Et vraiment, il y a une émission à pas louper, c'est celle-ci. Jusqu'à 9h30, c'est le Kids Tonic. Vous pouvez réagir dès à présent, hashtag Kids Tonic. Alors, hashtag pour Twitter, bien sûr. Mais vous pouvez également aller sur Facebook, laisser tous vos messages. Cette émission va être intégralement ingérable. Puisqu'on va intégralement avec un immense groupe d'enfants qui sont tous déguisés. Ouais. Ils sont magnifiques. Allez voir les images. Où sont les images, d'ailleurs? Elles sont sur Facebook. Sur Facebook. Allez sur le Facebook du Virgin Tonic, vous verrez tout ça. Les parents sont cloîtrés au premier étage. Ils sont complètement. C'est l'inverse d'un mariage où on met tous les enfants à part. Là, c'est les parents qui sont parqués et tous les enfants sont là avec nous. Ça va, les enfants? Alors, vous êtes magnifiques. On va faire le tour de tout le monde. Il y a l'équipe qui est là. Alors, je vais essayer de deviner les déguisements de l'équipe. Alors, moi, je me suis déguisé en un gars qui a pas eu le temps de se déguiser. Voilà. Mais tu vas le mettre. Je suis arrivé à 5h20. Pris par le temps, pris par la prépa. Alors, on a Pauline du Standard. Alors, on est en Reine des Neiges? Eh bien, on est en Reine des Neiges. On essaie de faire rêver les enfants. Je sais pas si t'as pas trouvé ton look, ma chérie. Mais je crois que je vais rester comme ça. Mais t'es pas mal du tout. Après, c'est pailleté, donc ça colle, ça gratte. Et c'est très agréable. Et la perruque qui tombe toutes les 3 secondes. Mais je pense que ça peut le faire. Mais j'ai peut-être un truc. Quoi? Louche un peu? Vas-y, essaie. C'est Dalida. Dis-moi, Gigi, c'est toi dans le noir? Gigi, c'est toi dans le noir? Mais ça y est, on y est. C'est Dalida, en fait. Laure, on est en quoi? Alors, Laure est là aussi, bien sûr. Et Laure, elle est déjà tombée. Déjà, c'est important. Alors, moi, j'ai fait un vol plané déjà pour commencer. Hein, bien sûr. La journée. Alors, je suis en quoi? T'es en la belle de la belle. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. C'est le costume de la belle et la bête. Ouais. Clément ouais. fait la bête. Non, c'est Nico du bureau à côté. Nico du bureau est là aussi. Alors, on est en Jack Sparrow, quoi. Ouais. J'ai hésité, Jack Sparrow, Jack Daniel. Ou Jack Dossange. Je suis parti sur Jack Sparrow, apparemment. Ginger est là aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Alors là, je sais pas. Est-ce que tu la connais, cette princesse? C'est quoi, Princesse? Réponse. Cheveux très longs. Les cheveux longs, ouais. Eh oui, Réponse. C'est Princesse quoi? C'est Réponse. Vous connaissez les enfants, Princesse Réponse? Oui. Ah bon? Bah bien sûr, Réponse est le meilleur dessin animé de ces 3 dernières années. Ah ouais, bon. C'est super. Ouais. Comment ça? Non. Voilà ce que j'attends de vous, les enfants. Vous ne laissez rien passer ce matin. Il y a un truc qui vous plaît pas, vous le dites. Vous avez faim, vous pleurez. Voilà. Il n'y a pas de gêne. Je vois encore 2-3 enfants. Ils sont encore un petit peu timorés dans un instant. Ça va être la guerre civile ici. C'est certain. La Reine des Neiges. Il y a un enfant extrêmement stylé. Tout à l'heure, je lui dis, t'es déguisé en quoi? Il me dit, en frérot de la Vega. Oh. Donc, ça. Regarde. Ah ouais. Alors, Clément, il est en Coluche. Apparemment, en fait, on m'avait prévu un costume de mignon. Moi, je trouve que je ressemble à Coluche. Et les enfants m'ont dit, il est génial, c'est Wario dans Mario. Écoutez, je fais ce que vous voulez. J'ai trouvé un autre déguisement pas mal parce que j'ai cru qu'il y avait un enfant qui était venu non déguisé. Regarde, viens avec moi. Regarde, petite chemise, wow, cravate, et en ouais fait, t'es déguisé en quoi? Le PDG de Virgin Radio. Il en est déguisé en PDG de Virgin Radio. Oh, c'est génial! C'est lui qui va payer les loyers avec ton argent. Hein. T'as tiré l'air, t'as combien? 20 euros. 20 euros? Ah, bah c'est pas mal. On va faire, des petits loyers aujourd'hui. On va être, t'es aussi radin que le vrai PDG. T'es déjà dans le personnage. On a un mini Cyril Hanouna aussi, juste devant avec le nœud pape là. Alors. Là, juste derrière toi. Derrière toi, derrière moi. Ah, foutu camion. T'es déguisé en quoi alors? Bon, James Bond. Bah, oh là là, t'es bah, oui. Bah, évidemment. Ah ouais. T'es magnifique. Oh là là, il a le petit pistolet à eau et tout. Ouais. Alors, fais-nous le tour, présente-nous un peu, voilà, des costumes. Alors, il y a tous les enfants qui sont là, Clément et avec les enfants, bien sûr, tous déguisés. Allez voir les images, ça vaut le coup. Alors, hey, les enfants, l'émission, c'est vous qui allez la faire. Nous, je vous dis, on va faire que vous poser des questions. Vous allez réagir à tout ce qu'on dit. On a prévu plein de trucs. Il y aura une chambre à ranger à un moment donné. Celui qui range le mieux sa chambre va partir avec un beau cadeau. Ah, vous croyez que vous vouliez faire la fête? Apparemment, ils sont pas d'accord, oui. Range-la toute seule, ta chambre. C'est pas parce que je m'appelle Camille que tu vas me parler comme ça. On va vous faire passer au détecteur de mensonges, les enfants. Ah bah si, on a un détecteur de mensonges, on vous posera des questions, on saura si vous avez menti à vos parents ou pas. Vous devrez malheureusement goûter les gâteaux de l'équipe. Toute l'équipe vous a fait des cadeaux. Ouais, c'est partagé, il y a eu oui et il y a eu oh. Vous allez nous faire jouer à êtes-vous plus fort qu'un enfant de 8 ans? C'est vous qui allez nous poser des questions. On va voir si on a encore le niveau d'être en CE2, CE1, CM1. Et on va jouer à l'école des fans. Vous allez chanter aussi en direct. Est-ce qu'il y en a qui savent chanter? Il y en a un peu chanter. Tu peux nous faire un petit exemple? Quand tu chantes, ça donne quoi? Non. Non, c'est bien, profitez des premières minutes après, ils vont s'énerver. On a entièrement redécoré un studio de Virgin Radio. Voilà, tout le monde est sur un truc. On a tout. Alors, il faut expliquer. Il y a des ballons partout pour ceux qui n'ont pas les images, mais vraiment, ça vaut le coup d'y aller. On a un petit bureau comme bah pas à votre époque, mais à la mienne. Il y a encore le truc pour mettre un plumier. Ça, ça doit parler alors. On a tous les trucs. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a. Apparemment, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a intermittent. Vous me dites. Vous avez des revendications, mademoiselle? C'est un pupitre. C'est un pupitre. Oh mais on sait pas. Alors, on va voir. Si on est vraiment has-been ou pas, est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Un globe. Ok, d'accord, bon, ça existe encore. Ça existe encore. Que ça avait disparu, mais non. J'ai l'impression qu'on va rien laisser passer ce matin. Absolument rien. C'est clair. Il y a des costumes magnifiques, on a des diables, on a des ninjas, on a des footballeurs, on a plein de princesses, elle est magnifique, des petites princesses devant. On a de tout ce matin le déguisement. J'ai Dark Vador quand même. Ouais. Dark Vador, on a. Alors, c'est quoi ton déguisement? C'est en hôtesse, c'est quoi? C'est une policière. Policière. Ah, eh ben une belle policière, une ma chérie. Belle policière, on a un chat, on a une guitariste. Une thaïsienne, pardon. Une thaïsienne. Et profitez de ces minutes encore où ils font connaissance, où ils sont encore un peu timides. Dans un instant, ça va être un anniversaire chez McDo, les amis. Oui, Clément. Et puisqu'on est en plein Vigipirate, on a. Tu es déguisé en quoi? Militaire. Ah. En militaire. Ah. Il sera chargé de la sécurité. Comment tu t'appelles? Paul. Paul sera chargé de la sécurité. On t'appellera Mokhtar. Pour s'y retrouver. C'est mercredi aujourd'hui, c'est le 8 juin. On vous souhaite évidemment un excellent réveil. Vous qui ouvrez les yeux avec nous comme tous les matins, qui terminez peut-être une nuit de boulot. J'ai un loyer quand même à vous offrir à 6h20. Bah oui. Avec le PDG du coup qui est déguisé en PDG. On va vous payer votre loyer à 6h20 en direct et en exclu. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Les rendez-vous seront là comme d'habitude, mais évidemment, l'émission sera complètement différente puisque c'est les enfants qui sont là avec nous et qui vont la faire. Les parents, vous les oubliez. Ils sont plus là, vos parents. On est entre nous à partir de maintenant. On va beaucoup s'amuser. James Bond, il a déjà oublié ses parents complètement. C'est clair. Et dans un autre truc, soyez les bienvenus sur Virgin Radio, 6h10. Je vous souhaite un bon réveil. Qu'est-ce qu'on écoute? Taylor Swift. Allez, Taylor Swift, Check It Off. On va tous danser ensemble. C'est parti, le Kids Tonic est officiellement lancé. Merci les enfants d'être là avec nous. Émission exceptionnelle ce matin. Je vous souhaite un excellent réveil sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisis. On va se faire des souvenirs, je sens. Pas à l'abri d'être la meilleure de ces deux ans, celle-ci. On a une machine à barbe à papa. Oui. Je vais vous faire des barbes à papa, les enfants. C'est parti, bon réveil. C'est Virgin, on y va. Taylor Swift. Bonjour, c'est Taylor Swift, c'est Virgin Radio. Mais non, c'est pas vrai. C'est les enfants du Kids Tonic. Moi aussi, je fais des blagues, Camille. C'est up too late. Got nothing in my brain. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. crazy, and my haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, baby. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake, shake it off, I shake it off. Et la première Barba Papa vient d'être terminée, les Bravo amis. Bravo! Elle est magnifique. Bienvenue sur Virgin Radio, hashtag Kids Tonic, c'est l'émission de ce matin. Émission avec un public intégralement composé d'enfants qui ne nous respectent pas. Oui, mais c'est vrai. Et pour ça, c'est magnifique. Les enfants, j'ai une Barba Papa, c'est la première. Le premier qui vient me faire ou la première qui vient me faire un bisou, il a la Barba Papa, c'est la première de la matinée. Stop, stop, stop. C'est la guerre, c'est la guerre. Attention, mais je vais en faire pour tout le monde, rassurez-vous. Non, fais pas ça, parce que là, ils ont... C'est le PDG de Virgin Radio. Je rappelle qu'on a un enfant qui s'est dégagé comme le PDG. Oui, Coluche. Non, c'est pas le... J'aurais dit, c'est pas l'enfant déguisé en PDG, c'est le vrai PDG qui est venu prendre la barbe à papa. C'est très doux, c'est jeté. Mais tu nous as pas menti, tu sais vraiment bien les faire. Ah ouais. Et si vous savez combien on a fait faire, mon père. Ah, enfin... Ça et la plonge au resto, hein, je peux vous dire que je suis pas... Faites-moi faire la plonge, je sais la faire aussi. Hein. Oui, enfin, en attendant, l'enfant est devenu bleu. Hein. Les amis, tout le studio est décoré aux couleurs. Bah, c'est quoi? C'est une sorte de grande salle une de classe. Ah ouais. Toute l'équipe a fait un gâteau aussi, restez avec nous. On a la chance d'avoir tous nos potos qui ont chanté tous les jingles. Voilà, ils vont chanter petits chanteurs d'Anières. Tout au long de l'émission, les petits chanteurs d'Anières. Avec nous, on est très très très heureux d'être là avec vous. Émission exceptionnelle. J'ai un loyer à vous offrir dans un instant. Loyer au 7-12-13 par SMS. Et les enfants, ce matin, je vais vous offrir des tablettes Storio. Waouh, trop classe. Et pour ceux qui rangent bien la chambre, des séjours au parc Astérix. Oh, on va vous gâter ce matin. Et vous aussi qui nous écoutez, on a des cadeaux magnifiques à vous offrir. Restez avec nous, c'est Kungs, This Girl qui arrive dans le Virgin Tonic. Excellent réveil. En regroupant mes crédits conso, ma banque m'a aidée à équilibrer la gestion de mon budget. Maintenant, je fais du yoga. Ça me relaxe. Génial. Et je me suis mise aussi au tai chi. Ok. Et pour un équilibre parfait... Oh, je sais, t'as un maître Shaolin. Mais non. J'ai vu mon conseiller de la banque postale. Avec lui, j'ai regroupé mes crédits conso et j'ai trouvé un nouvel équilibre pour gérer mon budget. Ah bah ça, c'est super. Jusqu'au 25 juin 2016, regroupez vos crédits conso à la banque postale et profitez d'un bon taux sur votre regroupement de crédit. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit du prêteur. Et voici la sélection Beansport pour 7 euros 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tullet, Marcel Desailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Jorge bien sûr et un Bruno Chéroux très motivé. Vendredi, coup

Cette émission, ça non, c'est normal. Je vous le dis, on a nos petits chanteurs d'anières qui sont là, qui ont chanté nos génériques depuis 2 ans et tout ça, et qui vont chanter en live tout au long de la matinée. Plein d'enfants qui sont venus nous voir aussi. Merci les enfants d'être venus. On se cache pas, beaucoup de footballeurs, beaucoup de princesses. Ouais, énormément. C'est normal. Bah, c'est la vie, hein. Bah, bien sûr. Merci d'être tous venus. On va beaucoup s'amuser ce matin. Il y a plein de choses qui vont arriver. Détecteur de mensonges dans un instant. Ah, oh là là. Il y en a. Le mec, il est surmotivé. C'est un ninja qui dit jamais de mensonges, apparemment. Ah ouais. Alors, et surtout, les amis, attention, les enfants, préparez-moi votre meilleure blague. Dans un instant, je veux entendre votre meilleure blague sur Virgin Radio. Vous êtes en direct, il est 6h21. Courage à ceux qui ouvrent les yeux. Émission très, très exceptionnelle ce matin. L'équipe est là, bien sûr. Oui. Allez voir les images sur Facebook. Mais ce qui ne va pas nous empêcher de vous faire plaisir, vous couvrez les yeux et de payer votre loyer toutes les heures. Bah, évidemment. On le fait toutes les heures, 6h20. Les autres radios commencent à 7h à offrir des beaux cadeaux. Nous, dès maintenant, là, il y a un mois de loyer à gagner, un mois de mensualité de crédit si vous êtes propriétaire. On y va, premier tirage au sort de la matinée. Parmi tous les SMS reçus, loyer au 7-12-13. Et les enfants, sachez qu'à chaque loyer, il y a quelqu'un de très connu qui va venir vous voir. Est-ce que vous voulez bien accueillir? Allô? Hello Kitty qui est là, ouais. Regardez ça. Oh, c'est la classe. Alors les filles sont contentes, les garçons moins. Ah ben les garçons, ils sont moins contents, mais les filles sont contentes. Frédéric, t'es avec nous? Bah oui. Bonjour ma chérie, ça va? Bonjour. T'es contente d'entendre Hello Kitty? Je sais que c'est connerie. Hein. Ouais. Je sais que c'est fou furieux. Frédéric, ma chérie, tu m'as envoyé un SMS. Oui. Eh ben oui. Tu comprends, ça y est, tu vas où tu es? Je suis au lit, là. Eh ben, je comprends. Alors, non seulement t'es au lit, nous, en plus, on fait une émission entourée d'enfants, donc il y a Hello Kitty dans le studio. Enfin, c'est n'importe quoi. Frédéric, ma chérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Eh ben voilà. Ouais, bah, c'est bien la première fois que je donne le sourire à une femme. Dans son lit, je peux vous le dire. Frédéric, ma belle, alors apparemment tu ouvres les yeux là à l'instant. On est très très heureux. J'ai mon copain. Ah, bah, là, il y a des chances. Ton copain est à côté. Je vais te. Bah, t'as bien répondu, donc je vais te demander. T'as un loyer de combien, Fred? 608. 608, eh ben écoute, tu sais quoi? Je vais te faire le chèque dès cet après-midi et tu ne paieras pas de loyer au mois de juin, d'accord? C'est un truc de fou. Mon réveil, elle est sonnée. La nuit a été bonne, hein. Oh bah, je vous dis merci, oh, c'est trop. Eh bah, je sens, ouais. Oh, c'est trop bien. Eh bah, je t'embrasse très fort, embrasse ton chéri aussi à côté de toi. Moi aussi, je fais un bisou à toute l'équipe. Bisous à tout le monde, ah, c'est trop bien. Je suis très heureux, embrasse ton chéri, voilà, félicitations, dès 6h20 dans votre lit, voilà, on vous paye un mois de loyer. Alors attention, je voudrais maintenant revenir un petit peu sur tous les kids qui sont avec nous et j'aimerais que vous nous racontiez votre meilleure blague, les enfants. Il y en a pas mal. Votre meilleure blague. On commence, on en a une petite. Si vous nous suivez, hein, Clément qui est habillé en mignon, mais on dirait. Coluche. On dirait Coluche, hein. Coluche ou un gars qui vient t'épanner ta voiture. On dirait tous un femme mignon. On dirait un garagiste. Exactement. On commence avec les blagues et la CH sera prête mardi normalement. Alors j'ai pas demandé avant, donc il peut y avoir des très bonnes vannes, comme des vannes qu'on ne comprend pas. N'hésitez pas à le demander. Avec qui on commence? Allez, je sens que t'as une bonne blague, vas-y, c'est parti. C'est quoi ton prénom? Hugo. Hugo, t'as quel âge, Hugo? 9 ans. Merci d'être venu nous voir, Hugo. Non. On y va, on écoute ta meilleure blague. Comment dit-on en japonais arrête de marcher pieds nus? Je sais pas. Où t'as mis tes tongs? Magnifique. Magnifique. Elle est très très bonne. Magnifique. Ils sont plus forts que nous. Non, ouais, évidemment. On enchaîne avec une deuxième. Comment tu t'appelles? Mohamed, t'es déguisé en quoi? En James Bond, il a dit. Ok, non mais comme c'est à la radio, je me suis peut-être on le voit pas. Bah oui, mais tu on l'a dit, ouais. Ah oui, bah, Mohamed, il est en James Bond, c'est magnifique, il a un petit nœud pape, allez voir. Il a une chemise, Quel est le sport le plus fruité? Le sport le plus quoi? Le plus fruité. Le plus fruité, le 100 mètres fraise. Je crois que c'est la boxe. Oui, parce que je te mets une pêche en pleine poire, tu tombes dans les pommes et tu ramènes plus ta fraise. Oh, 5 fruits, 5 légumes par jour. Sinon, t'as fait ça pour des prunes. peut-être. On l'a rajouté. Est-ce qu'il y a des filles qui veulent faire des blagues? Clément, c'est le seul animateur en battle de blagues avec un enfant. Ouais. Je veux quand même avoir le dernier mot, mais je perds. Hein. Alors, vous voulez une vanne de ninja? Je voudrais une vanne de ninja. Enfin, faite par un ninja. Après, ça parle de quoi, ta blague? Et tous les enfants qui sont là sont déguisés avec nous. Hein. Ils sont tous déguisés dans le public. Ok, c'est parti. Ça parle de quoi? Un strompe. C'est l'histoire d'un strompe qui court dans la forêt et qui soit en bleu. C'est quoi un strompe? C'est quoi un strompe? Un schtroumpf. Un schtroumpf. Un schtroumpf. On va l'énerver. N'énervez pas Ninja, parce que en fait on te l'a pas raconté, tu l'as lu. Non. Un schtroumpf, il fait quoi? Bah il tombe et il soit en bleu. Ah parce que c'est au schtroumpf. N'énervez pas Ninja. Mais il est déjà bleu donc il peut pas. Ça marche aussi avec l'équipe de France. Mais pourquoi il se fait un bleu? Ça fait quoi? Parce qu'il tombe. Ah oui. Et alors? Bah ils sont en bleu après. Oui mais comme toi, si toi tu tombes. Bah oui. Et bah alors? Bah il est déjà bleu alors. Mais arrête, tu lui pourris sa blague. Arrête de te moquer de moi Camille. Vous avez commencé depuis 6h hein, les amis. On en a une devant, attention, petite blague devant là. Attention, c'est quel parti. Est ton prénom mon bichon? Mathéo, vas-y. Quel est le point commun entre les toilettes et l'école? Je la sens mal celle-ci. Bah, je dirais, quand on en sort, on est soulagé. Qu'est-ce qui s'est passé, Hello Kitty? Hello Kitty. Ah, ça a explosé un ballon. Hello Kitty a eu très peur. Oui, si vous nous rejoignez, tout est normal. Vous êtes sur Virgin Radio. Le studio est entièrement rempli d'enfants. C'est le Kids Tonic ce matin. On a des blagues. On a Hello Kitty qui est ravissante aussi avec nous. Oui, Clément. On l'a fait venir d'Australie. Les enfants sont ravis. Est-ce que t'es content de voir Hello Kitty? Non, pas du tout. Les garçons sont partagés. Les filles, vous êtes contentes ou pas? Mais les filles, elles sont comme des dingues. Regardez comme elles sont belles. Hey, Camille, elle remplace la chouette dans tes PMP. Elle remplace la chouette. Ah, Hello Kitty? Oui. Ben oui. Rappelle-moi ton prénom. Ailey? Oui. Ailey va être dur à gérer. Ailey, c'est notre ninja. Les amis, Ailey. Eh mon bichon, il est magnifique. Ailey, depuis ce matin, 6h, il est avec nous. Et on est comme ça jusqu'à 9h30. On va écouter quand même un peu de pop rock électro très vite. Et c'est l'actu qui arrive dans un instant. Restez avec nous sur Virgin Radio. Les enfants, cette émission, vous allez la faire en entier. On a un policier aussi, j'avais pas vu encore. Restez avec nous sur Virgin Radio, on revient tout de suite. Tout de suite, un artiste qui vient d'Aix-en-Provence. Comme Camille Combal. Take my hand, you. Put it on her. Take my hand, you. Put it on her. Bienvenue dans Virgin Tonic, les amis, merci d'être avec nous. Les enfants, j'ai une blague, moi aussi, vous voulez une blague? Oui. Vous, est-ce que vous savez ce qui fait toin-toin? Est-ce que tu sais ce qui fait toin-toin? Toin-toin. Un canard. Un tanard. Elle est nulle. Moi, je la connaissais car elle était nulle. C'est mon neveu Raphaël qui me l'a soufflé, je la trouvais super bien. Oui. Les amis, on fait un point sur l'actu tout de suite. Tous vos rendez-vous sont là, bien sûr, l'actu toutes les demi-heures, le loyer, c'est toutes les heures. Mais l'émission, elle est très très très particulière. C'est une cinquantaine d'enfants qui sont là avec nous, qui vont la faire, bien sûr, en direct à nos côtés. Cette émission, restez là, c'est en direct sur Virgin Radio qui réagira tout. Hashtag Kids Tonic, on va se faire des très bons souvenirs ce matin, je le sens. Et c'est Loane qu'on va écouter, les enfants, dans un instant. Ah. Eh oui, Loane qui arrive pour le pop rock électro. Excellent réveil à tous sur Virgin Radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, Météo France change tout. 18 départements du Nord-Est sont désormais en alerte aux orages et 3 départements maintenus en vigilance aux inondations en Normandie et en région parisienne. Du beau temps sur la côte atlantique et la Méditerranée. Vous aurez 23 degrés en moyenne cet après-midi. Après les inondations, l'état de catastrophe naturelle doit être entériné ce matin en Conseil des ministres. Il permettra aux sinistrés de se faire dédommager plus rapidement. Le coût total des dégâts dus aux crues est estimé entre 900 millions et 1,4 milliard d'euros pour les assurés victimes hier dans le Pas-de-Calais. Un septuagénaire mort noyé dans son véhicule sur une route inondée. Les violents orages qui s'abattent aussi hors de nos frontières. La Belgique est également sous les eaux. Des pluies et des chutes de grêle impressionnantes qui provoquent des inondations et des fermetures de routes, notamment l'autoroute entre Tournai et Bruxelles. Les prud'hommes donnent raison à Jérôme Kerviel. Ils ont condamné hier la Société Générale à verser 455 000 euros à son ancien trader. Le Conseil des prud'hommes parle d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. La banque conteste. L'affaire se poursuivra la semaine prochaine au civil devant la cour d'appel de Versailles. Les manifs se poursuivent contre la loi travail. De nouvelles mobilisations annoncées pour aujourd'hui et demain avant la grande manif de mardi prochain à Paris. Grève dans l'énergie, certaines raffineries, dans le commerce, l'agroalimentaire ou encore dans les transports. Le trafic va rester encore très perturbé aujourd'hui à la SNCF. À l'étranger, Barack Obama qui vient de passer un coup de fil à Hillary Clinton. Le président américain a félicité celle qui portera l'étiquette démocrate pour tenter de lui succéder à la Maison Blanche. À 68 ans, Hillary Clinton a revendiqué la victoire aux primaires démocrates. Elle sera opposée au républicain Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. Barack Obama recevra le démocrate Bernie Sanders demain à Washington. Et puis juste avant l'euro, le gouvernement lancera aujourd'hui une appli baptisée Alerte Attentat pour les smartphones. Elle permettra de prévenir la population d'une attaque terroriste en quelques minutes seulement. L'application sera gratuite et disponible donc aujourd'hui en français et en anglais. J'ai confiance en eux. Didier Deschamps, plein d'espoir pour l'équipe de France à deux jours de l'ouverture de l'Euro 2016. Il le dit ce matin dans le journal L'Équipe. France-Roumanie, c'est vendredi soir à 21h. Et puis l'avenir de Laurent Blanc qui est de plus en plus incertain à la tête du PSG. Les dirigeants parisiens seraient prêts à s'en séparer. Ils négocient avec Unai Emery actuellement. Voilà pour l'actu. Bon réveil. M'appelle saucisse déjà. Mais non, mais en fait, l'avantage avec les enfants, c'est qu'on peut leur faire crier n'importe quoi. Dire, on crie Camille et je dis non, on crie saucisse. Et tout le monde me suit, donc c'est génial. Bienvenue à tous sur Virgin Radio. C'est Saucisse qu'on balle avec vous jusqu'à 9h30. Cette émission, de toute façon, ce sera pas la même. Il y aura un avant et un après cette émission avec une cinquantaine d'enfants, tous entièrement déguisés. Merci mille fois à vous d'être venus, les enfants. Merci aux parents aussi hein, de les avoir levés aussitôt. On va faire une très très belle émission tous ensemble. Allez voir les images, c'est magnifique. On a de la Superwoman, on a de la princesse, je vois Mario Bros qui vient de se lever à l'instant, il y a du ninja, il y a de la tortue ninja, on a une nageuse aussi avec des brassards et tout est magnifique. Ah, tu m'as dit quoi, ça ma belle? Il y a des inondations, alors j'ai tout prévu. Elle est mignonne, elle a des brassards, la petite bouée, tout, elle est magnifique. Les amis, on est très heureux d'être avec vous. Bon courage hein, à ceux quand même qui partent bosser là à cette heure-ci, comme tous les matins. Je le sais qu'ils sont déjà sur la route. Dans un instant, êtes-vous plus fort qu'un enfant de 6 ans. Ah. L'un d'entre vous va nous poser des questions de culture générale à Clément, tiens, à Coluche. Je rappelle Clément qui, quand il met un costume de mignon, ressemble à Coluche. Eh bien, Clément, dans un instant, c'est toi qui devras répondre aux questions. Et les enfants, vous allez vous régaler. Puisqu'à chaque mauvaise réponse, vous allez pouvoir lui tirer dessus avec un pistolet à peinture. Ouais! Trop bien! Je t'avais pas briefé. Non, tu m'avais pas briefé, non. J'espère que c'est pas de la location le costume. Mais en tous les cas, ça arrive dans un instant sur Virgin Radio. Mais pourquoi? Et vous avez plus école? C'est déjà fini l'école, les enfants? Non! C'est pas fini! Alors. J'ai la... les amis, écoutez, trouvez un chef. J'ai une chef. Un interlocuteur. J'ai une chef. Trouvez là, votre leader. Comment tu t'appelles? Maëlys. Alors explique-moi pourquoi tous ces enfants ne sont pas à l'école. Parce qu'ils avaient envie de voir qu'il y avait les combats en vrai. Parce que c'est la révolution. Donc, vous avez séché l'école? Oui, parce que c'est nul. C'est liberté. Il est 6h36. Si vous étiez avec nous à 6h, on entendait, vous êtes là les enfants? Oui, on est là et tout. Là, ça monte crescendo. Les amis, à 8h, il n'y a plus de vitres dans ce studio, je pense. Ça va être n'importe quoi en plus avec toutes les surprises qu'on leur a réservées. Restez avec nous sur Virgin Radio. Toute l'équipe est déguisée aussi, bien sûr. Alors, la Pauline, la Ginger, on écoute quand même un peu de pop rock électro tout de suite. Hello Kitty, viens avec moi, c'est n'importe quoi. Je co-anime avec Hello Kitty. Les amis, on écoute tout de suite Louane à venir. On vient dans un instant avec le Êtes-vous plus fort qu'un enfant de 6 ans? Ne bougez pas, vous êtes sur Virgin Radio. Bon réveil. Ce matin, j'ai envie de choisir la musique et tout de suite, on écoute Louane. Bon courage si vous êtes dans les bouchons ce matin. Partir derrière, sans trop de raison. Tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Je ne veux plus savoir, on s'est éloigné. Tu ne vas plus m'avoir et tout est terminé. Envoler les espoirs et nos cœurs défoncés. Dans la rue, je cherche mon chemin. Je ne le trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien. Et je pars voyager en pensant à demain. Tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Et les enfants, c'est Virgin Radio ce matin. Sur Virgin Radio. Camille, ça va être ta fête. Je le sens bien, c'est bien parti. C'est bien parti, les enfants sont là avec nous. Salut les enfants. Camille, la merguez. Camille, la merguez. Camille, la merguez. Il y a la merguez et la saucisse. La merguez, Camille, la merguez. Il y a deux secondes, c'était la saucisse. Maintenant, il y a un courant d'Orient qui arrive. Maintenant, je commence à être la merguez. Oui, ça te va bien. Ça me va pas mal. Je préfère toute l'équipe est là. Kids Tonic, les amis, en direct sur Virgin Radio, 6h, 9h30. On est dans une salle de classe aujourd'hui. On est entouré que d'enfants. Les amis, on va passer une matinale exceptionnelle. Attention, maintenant, j'aimerais qu'on retrouve Angel. Angel, ça va, ma chérie? Ça va, parle bien dans ton micro, ma belle. Ça va, t'as quel âge? 10 ans, t'es en quelle classe? En CM1. Écoute, on t'a sélectionné parce que t'es une bonne élève. Et qu'en fait, mais non, mais je le sens. Et tu vas pouvoir poser des questions à Clément. D'accord? Et sache qu'à chaque mauvaise réponse, alors c'est des niveaux à peu près, disons, c'est niveau CM1, CM2. Chaque fois que Clément a une bonne réponse, c'est bien pour lui. Et chaque fois qu'il a une mauvaise réponse, t'auras le droit de prendre un pistolet rempli de peinture, d'eau aux peintures, et tu pourras lui tirer dessus. Génial. Ok. C'est génial, ça fait plaisir. T'es prêt, Clément? Clément est juste en face. Angel est là avec nous. Elle est devant, elle est vraiment devant son pupitre. Attention, les enfants, juste là, on souffle pas pour Clément. Ah non. Si vous avez la bonne réponse, ne soufflez pas. Angel, on t'écoute, ma belle. C'est le êtes-vous plus fort qu'un enfant de 8 ans. On a un jingle? Oui, on a un jingle et on révèle aussi Angel qui a des télés juste au-dessus de Clément. Faut faire gaffe quand elle va viser. Voilà. Tu vises où tu veux, Angel. Je vais mettre comme ça. Tu vises où tu veux. Ne me la stressez pas, ne me la stressez pas, Angel. Attention, c'est parti, jingle, on y va. Êtes-vous plus fort qu'un enfant de 8 ans? Qu'un enfant de 8 ans? Qu'un enfant de 8 ans? Tu vas voir ce que tu vas voir. Je rappelle que des questions niveau primaire. Je le dis, hein, c'est vraiment programme de primaire selon les années. Clément, on va voir si... Ok, c'est parti, j'ai même pas peur de toi, Angel. Angel, attention, on y va, première question, ma belle. Qui a inventé le cinéma? Est-ce qu'il s'agit... C'est Luc Besson, je crois. Alors le cinéma, lequel? Celui en bas de chez moi? Non. Bon, bah prends un pistolet. T'as quoi, pas la réponse? Et garde-le pour toi, c'est les Frères Lumière. T'as cru que t'allais me tirer dessus. Angel, hein, mais comment il te provoque, Angel. Ah ouais. Te laisse pas faire, Angel. On y va, deuxième question. Quel est le plus haut sommet d'Europe? Le plus haut sommet d'Europe. Le plus haut sommet d'Europe. C'est le malin encore, il fait le malin. Ouais, ouais. Ah, je sais pas, je vais dire au hasard. Si je mélange toutes les lettres d'Angèle, ça fait Angèle, Angèle, elle, Ève, Everest, peut-être. Peut-être l'Everest. Ah. Non. Mais non. Ah, mais non. Du monde, moi, l'Himalaya. C'est en Asie, c'est l'Everest. Et le Mont Blanc en Europe. C'est en Europe. Mais tu vas faire le malin. À faire le malin, Clément. Attention, on y va. Angèle, tu peux prendre le pistolet. Non. Attention. Angèle, t'as plus qu'à viser, tu peux tirer. Vas-y, vas-y. Oh, ça tâche de partout. Clément est en train de se prendre. Ça va, elle est gentille, Angèle. Un peu plus, voilà. Non, voilà. Non, elle est pas si gentille. Voilà. Je suis un mignon, je suis. Bien joué. Angèle, attention, on y retourne. Nouvelle question. J'aime bien Angèle parce qu'elle a démarré très mollo. Oui, et puis au final, elle s'est. Elle s'est énervée. Elle a pris goût. Je vais me concentrer. Attention, on y va. Question d'après. Quelle est la dernière bataille perdue par l'empereur Napoléon? La dernière perdue, j'ai envie de dire Waterloo. Mais. C'est ça? Bah voilà. Ah. Y a combien de questions? On va en faire une dernière. Attention, je rappelle, Angel, 10 ans, pose des questions à Clément à chaque mauvaise réponse. Angel, tu as droit de la rosée avec de la peinture. En plus, t'as eu la main tendre. Là, j'aimerais bien qu'il se plante. Quelle couleur ne voit pas le chat? Le chat? Ah. J'en sais absolument rien. Donc je vais répondre une couleur au hasard. Tu me conseilles quoi? Le rouge. Le rouge. Alors je vais dire, parce que j'aime bien la peinture, je vais dire le fuchsia. Non. C'était? Ah, c'était le rouge, mince. C'était quoi, Angel? Attendez, attendez. C'est un peu facile. Angel, ma chérie, déjà parce que t'as participé avec nous, je vais te faire un beau cadeau. Je vais t'offrir un séjour tout frais payé au parc Astérix pour toi et toute ta petite famille. Je sais qu'il y a tes parents. Wow. Vous allez aller tous ensemble au parc Astérix. T'es contente? Merci. Mais moi aussi. Et ce qu'on va faire, parce que c'était un peu facile, on va donner plein de pistolets aux enfants. Ah ouais. Et ils vont pouvoir tous tirer sur Clément. C'est parti, on y va. C'est parti les enfants. Voilà, il fallait bien répondre. Oh là là, il a fait le malin. Allez voir les images. Clément est en train de se faire repeindre dans les studios. 17 ans moins le quart. On écoute un peu de pop rock électro. C'est le Kids Tonic ce matin. Émission remplie d'enfants. Le studio, c'est un truc de dingue. C'est génial. On devrait faire ça tous les jours. Oh là là là là, c'est n'importe quoi. Et plus ça va, plus ils deviennent ingérables. Restez avec nous. Je pense qu'à 9h30, ça va être sympa. Excellent réveil à vous tous. On écoute tout de suite Charlie Pouce sur Virgin. Vu que c'est les enfants qui décident, on fait ce qu'on veut sur Virgin Radio. Du coup, on va écouter Charlie Pouce. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. So take a chance. No matter where you go, I know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. For now, we can stay here for a while. Cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know. Bienvenue dans le Virgin Tonic, les amis. On dirait avec une salle de classe hein, ce matin. Ouais, c'est le Kids Tonic. Réagissez, on est déjà en top 8 France grâce à vous, grâce à tous les enfants qui sont venus nous voir ce matin. On est avec une cinquantaine d'enfants jusqu'à 9h30. Les enfants, c'est vous qui faites l'émission ce matin. On va vous demander plein de choses. Vous réagissez. Clément vient de se faire tremper de peinture. Je te confirme. Laure est en Belle de Belle et la Bête. Oui. On a Pauline qui est en Reine des Neiges. Oui. J'ai Ginger qui est en... Réponse. En réponse. Il s'y fait pas. Nico du Bureau est en Jack Sparrow. Les amis. Il y a même il y a un enfant qui s'habillait comme moi dans la Delorme Odense. C'est tellement mignon. Il se fait la barbe et tout. C'est mignon. Restez avec nous. On revient dans un instant avec Jason Derulo. Et ça nous empêchera pas, même si c'est une matinale exceptionnel, j'espère que vous nous suivez ce matin, de payer une nouvelle fois votre loyer à 7h20 en direct et en exclu comme on le fait chaque matin. Le Virgin Tonic, les enfants, ça va toujours? Ouais! J'espère que vous aussi. Bon réveil! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sananas. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux. L'idée, c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora.

vue à l'horizontale. En zone de turbulence, on danse. N'oublie pas de m'oublier. Un jour sur deux, on s'aime. Une nuit sur deux, je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier. Les ragots, les lacènes. Parasite ma boîte crânienne. Pourvu qu'on se souvienne. Pourvu qu'on se souvienne. Pourvu qu'on se souvienne. C'est de 6h à 9h30 et ça se passe sur Virgin. Disconnect les visions des enfants. On a renvoyé les parents et on s'amuse tous ensemble. Camille nous laisse les commentaires Virgin. Camille nous laisse les commentaires Virgin. On a faim. Apparemment, ils ont faim, Camille. On a faim. Ils ont des petits déjeuners, je vous rassure. Je vous rassure, tout le monde va très très bien. Bientôt 7h, bienvenue sur Virgin Radio. Merci de nous être fidèles chaque matin. On est plus d'1 800 000 Français à se réveiller tous ensemble, je sais. On essaie de vous divertir, je sais qu'il y a beaucoup de gens en galère là qui partent au boulot, un peu impactés par les grèves. On pense très très fort à vous, les amis. Un point complet sur l'actu, c'est à 7h, comme tous les matins, si les enfants nous y autorisent. Oui, ce matin, on ne décide de rien. Je voudrais remercier aussi tous les gens qui nous suivent. On est déjà en top tweet France, vous êtes très nombreux à nous laisser des messages. Et merci de jouer le jeu, de mettre une photo de vous enfant en photo de profil. Ouais, c'est très très très mignon. L'équipe est là, déguisée entièrement. On a tout. Et Clément est au milieu des enfants qui sont avec nous ce matin. Si vous nous rejoignez, c'est le Kids Tonic, émission exceptionnelle, Clément. J'ai eu le malheur de mettre une photo, moi petit, en noir et blanc. Ils m'ont dit, mais t'es vachement plus vieux que les autres, en fait. Attention, les amis, les enfants, on va vous faire participer. Ce sont l'émission, c'est la vôtre ce matin. Dans un instant, vous allez devoir ranger votre chambre. Dans un instant, l'un d'entre vous va passer au détecteur de mensonges. Wow. Savoir si vous avez déjà fait des grosses bêtises. Mais pour l'instant, j'aimerais d'ailleurs que vous nous disiez quelle est la plus grosse bêtise, les enfants, que vous ayez déjà faite. Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Bah là, ça lève la main. Hein. Clément, Romy, elle est pas. T'as quel âge ? 5 ans. Romy, t'as 5 ans. Et alors, tous les enfants sont déguisés. Merci d'avoir joué. Je vous êtes magnifiques, les enfants. Alors, Romy, on t'écoute. Ça a été la première à lever la main pour les bêtises. C'est quoi ta plus grosse bêtise ? C'est de faire pipi dans le lavabo. Oh. Et là où je souhaite bonne chance aux parents, c'est qu'elle est venue. Elle est venue avec sa grande sœur. T'as quel âge ? 8 ans et demi. Et ta plus grosse bêtise ? C'est quoi ton prénom, ma chérie ? C'est ton prénom ? Léonie. C'est d'avoir enfermé ma nounou derrière la porte. J'étais dans la maison. Mais du coup, la nounou pouvait plus les surveiller. Et puis on a Romy qui faisait pipi dans le lavabo. Voilà. Comment tu t'appelles ? Sacha. C'est quoi ta plus grosse bêtise, Sacha ? Moi, ma plus grosse bêtise, c'est de jamais avoir fait de plus grosse bêtise. Oh, il est malin. Tu vas finir délégué. C'est quoi ta bêtise, toi ? C'est d'avoir fait pipi dans le lavabo, moi aussi. Pareil. Mais tout le monde fait pipi dans le lavabo. Toi, t'as fait quoi ? D'avoir découpé mes rideaux. Mais pour faire une robe, c'est ce qu'il dit pas. Non. Pourquoi ? C'est quoi ton prénom ? Ton prénom, c'est quoi ? Esteban. Esteban, mais pourquoi t'as découpé les rideaux ? Je sais pas. Des ciseaux, c'est dommage de pas les utiliser. Quel est ton prénom à toi, mon poteau, en footballeur, Gaël. Magnifique, l'équipe de France. Ton prénom, c'est quoi ? Gaël. Ma plus grosse bêtise, c'est de sauter sur le lit de papa et maman sans qu'ils le sachent. Ça va encore. Je voudrais remercier Gaël qui m'a laissé un très joli mot. Camille, tu nous fais rire avec tes blagues un peu pourries. C'est Gaël, merci pour votre franchise. Il n'y a plus de respect. Allez, encore un peu. Oui, on bien a beaucoup sûr. De bêtises. Hein. On a beaucoup de bêtises. C'est quoi ton prénom ? Mathéo, dis-moi tout. Ma pire bêtise, c'est avoir cassé le porte-manteau à l'école. Et pourquoi t'as fait ça ? Bah parce qu'en fait, je me tenais comme ça dessus, il est tombé. Ah, mince. Tu t'es fait engueuler ? Bah c'est un ninja en même temps. Hein. Oui, c'est vrai qu'il est déguisé en ninja. Tu t'es fait engueuler par qui ? Par ma maîtresse. Elle s'appelle comment ? Mariana. Mariana, et alors elle t'a grondé, t'as dû changer le porte-manteau ? Non. Ah non, non, il a changé la maîtresse. C'est quoi ton prénom ? Maëlys, alors ma chérie, ta plus grosse bêtise, qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir cassé une bougie. Comment on casse une bougie ? Je sais pas. T'as dit quoi? Il y a Mathéo à côté, il veut tout casser lui. Elle a fait une course, elle a bruit la bougie, elle a mis un coup de pied dedans, elle s'est envolée, elle s'est cassée. Ça a cassé la bougie. Et c'était à l'école ou à la maison? À la maison. D'accord, vous êtes frère et sœur? Oui. D'accord, vous cassez tout donc c'est. C'est quoi ta plus grosse bêtise, Mathéo? C'est avoir pété un mur porteur à la maison. Un peu galère, l'immeuble s'est affaissé de 30 cm, je me suis fait engueuler par la maîtresse. Je me suis engueulé par l'archi. Allez, une dernière bêtise, très vite. Une dernière bêtise. On a un policier, mais est-ce que tu fais des bêtises, toi? Une. Alors vas-y, c'est la police nationale. C'est quoi ton prénom? Maxence, c'est quoi la plus grosse bêtise que t'as faite? Bah moi en fait c'était à l'école et quand mon copain il mangeait sa compote et bah j'ai appuyé sur sa compote et ça j'ai clé partout. quand tu m'as dit mon copain a appuyé sa compote, j'ai eu peur que tu me dises et j'ai fait pipi dedans. J'ai l'impression qu'on est beaucoup là-dessus. Les enfants, vous restez avec nous, on va continuer de parler de ça. J'espère que vous passez une belle matinée, 7h tout pile. Il est temps de faire un point sur l'actu. C'est Jason Derulo qui va arriver pour le pop rock électro. On reste tous ensemble, les amis, on est en direct sur Virgin Radio. Je vous souhaite un excellent réveil. C'est n'importe quoi cette émission. Mais quel kiff énorme. Le Kids Tonic avec vous jusqu'à 9h30. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous. 21 départements désormais en alerte aux orages et aux inondations ce matin dans le grand quart nord-est, mais aussi en Normandie et région parisienne. Un risque de grêle sur le nord-est, de belles éclaircies sur la côte atlantique. 22 degrés cet après-midi à Paris, vous aurez 30 degrés tout à l'heure à Nîmes. Après les crues, la facture s'annonce salée pour les assureurs. Le coût des dégâts est estimé entre 900 millions et 1,4 milliard d'euros. L'état de catastrophe naturelle doit être entériné ce matin en Conseil des ministres pour enclencher au plus vite les indemnisations. Par ailleurs, les orages ont fait une victime hier, un homme noyé dans sa voiture dans le Pas-de-Calais, alors qu'il s'était engagé sur une route inondée. Le mauvais temps qui sévit également en Belgique, le plat pays est également touché par d'importantes inondations et des chutes de grêle impressionnantes. Le plan d'urgence est déclenché dans plusieurs communes. L'autoroute vers Lille est fermée entre Tournai et Bruxelles, la capitale où une station de métro est également inondée. À deux jours de l'euro, les grèves et manifestations continuent. Les cheminots poursuivent leur mouvement et le trafic sera encore perturbé ce mercredi avec 3 TGV sur 4 et 6 TER sur 10. Grève reconduite aussi dans le traitement des déchets en région parisienne, dans la zone industrielle du Havre ou encore dans certaines raffineries. Les agriculteurs relancent la mobilisation contre la crise agricole. Des rassemblements hier à Nantes, opérations de contrôle de produits à Rennes, déversements de fumier à Limoges, etc. Les paysans dénoncent notamment des prix d'achat trop bas de leur production. Une victoire pour Jérôme Kerviel, le Conseil des Prud'hommes a condamné la Société Générale pour le licenciement de son ex-trader. Un licenciement jugé sans cause réelle ni sérieuse. C'est aussi et peut-être surtout la première fois qu'une juridiction reconnaît que la banque avait connaissance des agissements de Jérôme Kerviel avant le scandale. La banque doit lui verser 455 000 euros. Elle a fait appel. Et puis à l'étranger, c'est fait pour Hillary Clinton. À 68 ans, elle remporte les primaires démocrates. Elle vient de revendiquer la victoire lors d'un grand discours à New York. Première femme à être investie cet été par un grand parti américain pour la présidentielle. Elle affrontera le républicain Donald Trump le 8 novembre. Barack Obama vient de l'appeler pour la féliciter. En foot, le successeur de Laurent Blanc pourrait être Unai Emery. Les dirigeants du PSG seraient en négociation avec le stratège espagnol. Le journal Le Parisien rappelle qu'il vient de remporter 3 Ligues Europa d'affilée à la tête du FC Séville. Laurent Blanc, lui, est actuellement en vacances. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Kids Tonic, émission spéciale enfant avec Ali Combal. Bon réveil. Virgin Radio, l'émission devient de plus en plus ingérable, mais on ne lâchera pas ces micros jusqu'à 9h30. Les enfants prennent le pouvoir sur Virgin Radio ce matin. Oui, Clément. Comme aujourd'hui, on peut leur faire crier tout ce qu'on veut. J'ai tenté Ferrari, placement de produit, on sait jamais. S'ils nous écoutent, vous avez mon adresse, les copains. Les amis, soyez les bienvenus. L'équipe est là, vous l'avez entendu, Clément. Oui. Il y a la popo du standard en Reine des Neiges. Il y a Laure en Belle de Belle et la Bête. Bonjour. Il y a Nico en Bête de Belle et la Bête. Bonjour. Non, Jack Sparrow. Il y a bien sûr Ginger sur les réseaux sociaux. sociaux. Oui. Merci d'être si nombreux à réagir à l'émission. Ouais. Vous nous appelez aussi nombreux au 3916. Et Ginger qui est en princesse réponse. Je me fais engueuler sur les réseaux parce que je connais pas réponse. Bah ouais, alors c'est le meilleur des séries. Très connu. Mais ouais, mais à un moment donné. Comment ça, non? Bah moi, c'est mon préféré. Non, apparemment non. Apparemment sur les dessins animés là, tu t'es mouillé un peu trop là, à mon avis, ma petite Laure. Vous êtes là avec nous, les amis, dans un instant et d'ailleurs tout de suite, on va sélectionner deux d'entre vous. Je rappelle le studio, vous pouvez aller voir les images sur Facebook, est entièrement rempli d'enfants. Deux d'entre vous vont partir ranger une chambre. Juste à côté, on a une pièce qui est complètement complètement en désordre et vous allez avoir jusqu'à 8 heures maximum pour entièrement ranger la chambre. Si avant 8 heures, on rentre dans cette chambre et qu'elle est parfaitement bien rangée, vous repartirez avec un beau cadeau. Mais quoi qu'il arrive, je vous dis, il va falloir nous montrer que vous savez ranger votre chambre. On vous sélectionne dans 2 secondes. Il y a une vague humaine sur toi, Camille. Il est ça va être dans 2 secondes. Et puis surtout, là, dans une minute à peine, l'un d'entre vous va passer au détecteur de mensonges. Oh là là. Au détecteur de mensonges. Alors, il y en a un vraiment, il arrête pas de m'interpeller au fond, mais genre, mais on dirait qu'on était à l'école ensemble. Ouais, ouais. Je crois qu'il veut ranger une chambre. On a une vague humaine. Je crois qu'il nous attaque. Je sais pas si on a bien fait. On est sûr d'avoir bien fait de pas amener les parents. Attention, vous poussez pas. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. Tout ça arrive dans l'émission. Vous l'avez compris, on a quand même beaucoup de candidats pour aller ranger la chambre. Et les enfants. Les enfants. Mais je comprends pas. Mais chez vous, vous avez autant envie de ranger vos chambres. Attends, Camille. Sinon, ce qu'on peut faire, et on vous ramène tous chez vous, vous rangez votre chambre. Ah ben. Je sais pas, oui, Nico Dumont. Attends, ça se voit que t'es pas papa. Les enfants, si vous voulez ranger la chambre, il faut que vous soyez tous assis. Je te l'ai dit. Oh, c'est le défi qui marche. Alors. C'est ça d'être papa. Eh, bravo, hein. Nico Dumont a fait asseoir tout le monde. Oui, on a un petit militaire, dis-moi. Il a regardé et t'as dit quoi? En fait, il a vu tout le monde courir, mais il a pas entendu. J'espère que vous êtes sur Facebook pour voir ça. Il ne sait que me parler, j'ai tendu le micro, il s'est arrêté. Non, mais il est dégoûté depuis tout à l'heure parce que pendant toutes les infos, il m'a dit, on m'a pas demandé ma meilleure bêtise. C'est quoi ton prénom, mon chéri? Paul. Paul, c'est quoi ta meilleure bêtise? Ta pire bêtise d'ailleurs? En fait, mon papa, il était tout prêt à aller au travail, puis j'ai fait une catapulte avec mon yaourt, et du coup, ça lui est arrivé en pleine tête. Ils sont tellement fiers. Vous savez quoi? On va passer une belle matinée. Je vous le dis. Mais pour, en fait, les amis, l'émission, mais c'est ça tous les matins. Mais, ouais, mais bien sûr. Mais les amis, on n'a plus rien à faire. Mais non, c'est clair. Magnifique. 7h07, oui, Laure. Est-ce qu'on peut leur demander d'aller ranger la chambre de ma fille? Il y a trop chaud de boulot, mais vous aurez jusqu'à 11h, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Restez avec nous sur Virgin. On revient dans un instant. L'un d'entre vous passe sur le détecteur de mensonges. C'est sur Virgin Radio, les images sur Facebook, je vous l'ai dit. Passez un excellent réveil. Et Jason Derulo, bon courage à vous tous. Vu que c'est les enfants qui décident, on fait ce qu'on veut sur Virgin Radio. Du coup, on va écouter Jason Derulo. So I just leave. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. Open the door. Ooh. Wearing nothing but a smile, fell to the floor. And you whisper in my ear, baby, I'm yours. Ooh, just the thought of you gets me so high. So high. Girl, you don't want. Virgin Radio. Bon réveil à vous tous et bienvenue sur Virgin Radio. On est en direct avec vous, émission exceptionnelle. C'est le Kids Tonic. Le studio est entièrement rempli d'enfants. Si vous êtes là avec nous depuis le début, à 6h, il n'osait pas parler. Maintenant, c'est la guerre des ballons. C'est la guerre de tout. C'est va alors, être très difficile des bêtises, à gérer. Ah ouais, là, j'en ai une. On commence, il y a une bêtise. Ah, il y a quelque chose qui s'est renversé. On a une machine à barbe à papa. J'ai déjà fait des barbes à papa. Je vais vous en faire à tous. Hein. Rassurez-vous. Les images sont bien sûr à retrouver sur le Facebook de l'émission. Merci d'être si nombreux à nous suivre. Courage à vous qui ouvrez les yeux, qui partez au travail. Deux personnes, deux enfants sont partis ranger une chambre. Oui. S'ils réussissent avant 8h. J'y suis allée avec eux et ils ont demandé qui avait fichu tout ce petit bazar là-dedans. Alors, il faut préciser, c'est vraiment le bazar complet dans la chambre. Ah, mais c'est l'explosion. Et ils pensent que c'est toi. Mais c'est possible. S'ils arrivent à ranger la chambre en moins d'une heure, ils repartiront avec un beau cadeau. Mais pour le moment, on est en plein détecteur de mensonges. Puisque cette année, on a investi dans un détecteur de mensonges dans l'équipe. Le patron de la radio a décidé qu'il fallait l'amortir. Donc à la moindre occasion, on le ressort. Et maintenant, on va savoir si l'un d'entre vous dit la vérité ou nous ment. Nico du bureau, tu es à côté de un des enfants qui est venu nous voir. Ils sont près d'une cinquantaine, entièrement déguisés ce matin. T'es avec qui, Nico? Comment tu t'appelles? Amis. Amis? Amis. Oui. Amis. Pour l'instant, il dit la vérité. Déjà, c'est beau parce qu'il y a Athos, Porthos et Aramis. Non, c'est Amis, directement. C'est un pote d'Olivier Dion. Exactement. T'as quel âge, Amis? 10 ans. 10 ans. Amis, je te conseille de nous dire que la vérité. D'accord. On n'est que entre nous, mais les parents ne sont pas loin. Donc ils sauront si tu mens ou pas. T'as peur, hein? Il a peur. Il est stressé quand même. Je vais te poser des questions, Amis. Et je rappelle, hein, vous le savez, dès que tu me feras un mensonge, la machine sonnera. Déjà, Amis, je vais te poser une question. Est-ce que tu es content d'être ici? Oui. Attention. Réponse. Mauvaise réponse. Ah, ben c'est ça. Mais non, mais peut-être que là, il a peur tout de suite. C'est peut-être pour ça, il est content, mais il a peur. Oh. Peut-être c'est ça. Amis, tous les enfants, la plus personne fait de bruit. Tous les enfants t'écoutent. Amis, est-ce que tu as une amoureuse, Amis? Non. On vérifie. Il n'avait pas d'amoureuse. Donnerai. Il dit la vérité. Vérité. Ah. Maintenant, c'est la vérité. Amis, est-ce que tu as déjà imité la signature d'un de tes parents pour t'éviter une mauvaise note ou un bulletin? Je t'écoute, Amis. Non. Oh, trop vite. Il a répondu trop vite. Attention. Attention. Est-ce qu'on a déjà imité la signature? C'est la vérité. C'est la vérité. Ah, c'est bien. Il est stressé. Ah, tu lui as pas demandé s'il avait plusieurs amoureuses, c'est peut-être ça. Ah, en fait. C'est peut-être ça. Ouais, on va voir. Amis, est-ce que tu aimes bien ta maîtresse? C'est un maître. Est-ce que tu l'aimes bien? Oui. La réponse est validée. Vérité. Vérité. Oh. Amis, est-ce que tu as un préféré entre ton papa et ta maman? Oh, oui. Oui. Il n'y a pas besoin de faire passer. Vérité. C'est génial. On va pas aller plus loin dans la question. Je rassure. Voilà. Amis, est-ce que tu as déjà copié à l'école? Oui. Il est déjà trop honnête. Ah, attendez, il a raison. Il a raison. Vérité. Bah, mais c'est pas Amis, bien. Je peux te poser. T'es venu avec ton papa ou ta maman ce matin? Ma maman. Est-ce que tu trouves que ta maman s'habille bien? Oui. On vérifie. Voir s'il est sincère. Vérité. Oh, vérité. Il est mignon, il dit que la vérité. Amis, je vais te poser une autre question. Amis, est-ce que tu as déjà piqué quelque chose à l'école? Non. Il a l'air d'être sage. C'est faux. Mensonge. Oh, oh, Amis. Réfléchis bien. Le crayon. T'as jamais rien volé? Non. Oh, non, mais dans la trousse d'un copain? Non. Jamais. Amis, j'ai une dernière question pour toi qui est très importante. Tous les enfants le font, on le sait. Sois honnête. Est-ce qu'au supermarché, quand ta maman fait les courses, est-ce que tu as déjà mis en cachette un petit truc en plus dans le caddie? Non. On n'est jamais allé au marché. Au supermarché, au magasin? Oui. Ah, il mensonge. Donc il a jamais volé. Donc il a jamais mis quelque chose en cachette. Amis, franchement, il est parfait, oui Clément. J'ai le droit à une dernière question ou pas? Amis, il a droit à une dernière question? Oui.

pour voir les joueurs tirer. Ouh là là là là. Retirez de l'argent dans les distributeurs Crédit Agricole et vérifiez sur votre ticket de retrait si vous avez gagné des places pour un match de l'UEFA Euro 2016 ou l'un des milliers de cadeaux. Crédit Agricole, partenaire de l'Euro 2016. Jeux réservés aux personnes majeures, voire règlement complet, conditions et distributeurs participants sur onatousuncotefoot.fr. Paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et désormais 21 départements en alerte ce matin. Une vigilance orange aux orages et aux inondations en Normandie, en Ile-de-France, mais surtout sur le grand quart nord-est. Des coups de tonnerre de l'Alsace jusqu'à la vallée du Rhône et puis des éclaircies sur le nord, la côte atlantique et le Languedoc. Vous aurez 14 degrés cet après-midi à Dieppe, 20 à Lille, 22 à Paris, Brest, Strasbourg, Chambéry et à Nice, 23 à Rennes, 24 à Lyon, 25 à Marseille, 27 à Perpignan. La maximale c'est 30 pour Nîmes. Un temps plutôt agréable demain avant le retour des orages des vendredis. Bon réveil. Cet été, faites une cure de pop, rock, électro. Virgin Radio, partenaire du Festival Musilac. Sur les bords du lac du Bourget. À Aix-les-Mains. Respirez l'air frais de The Avenger. James. Synapson. Louise Attaque. Joseph Salvat. Ou encore Ratatat. Lily Winning the Freak. Le Festival Musilac. Les 8, 9 et 10 juillet prochains. À Aix-les-Mains. Infos et réservations, point de vente habituel et virginradio.fr. Le Festival Musilac. Un événement. Virgin Radio. Dans Duotime, il y a Duo pour deux et Time pour le temps. Et oui, avec Duotime, le temps d'être deux est venu. Vous êtes seul, célibataire, séparé, divorcé? Appelez le 08 92 05 04 03 pour faire la rencontre que vous attendez. Avec Duotime au 08 92 05 04 03, rencontrez la personne qui vous fera rire, qui vous fera confiance et qui vous aimera et que vous aimerez. Duotime au 08 92 05 04 03. Vous ne serez plus jamais seul. Euphonie à 34 centimes la minute. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio, le nouveau One Republic. Casey Lambist. Le nouveau Red Hot Chili Peppers. Stellartronic. Ce matin, c'est les enfants qui prennent la place des grands, que des copains, des copines. Ça se passe sur Virgin, ça se passe sur Virgin, c'est avec Jamie. Ah, c'est banane, non. J'ai plu sur Virgin Radio 7h23, j'espère que tout va bien pour vous. Merci au petit chanteur Daniel de tout chanter en direct ce matin. Merci. C'est quoi ton prénom? C'est quoi son prénom? C'est quoi ton prénom? Elia. Elia. Elia? Est-ce que tu reconnais le déguisement quand même? Ah non, mais déguisé en Delorme Modène, c'est qui dansait devant le générique, c'est magnifique. Génial. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio, émission très particulière mais tellement kiffante. On n'est qu'avec des enfants ce matin, vous rendez compte? C'est le Kids Tonic. On est complètement rempli le studio d'enfants. On a des barbes à papa, ils sont tous déguisés, l'équipe aussi. Il va se passer plein de choses, évidemment. Les enfants, j'ai une belle surprise pour vous. Là tout de suite on va faire votre loyer parce qu'il y a vos rendez-vous habituels, vous qui ouvrez les yeux, vous qui partez bosser, c'est important. On va vous rappeler tout de suite parmi tous ceux qui sont inscrits loyer au 7-12-13. Et pour faire patienter les enfants, vous jouez aux jeux vidéo? Oui. Vous connaissez Angry Birds? Ouais. Eh ben ils sont avec nous ce matin. Ouais, vous allez pouvoir prendre la photo avec les Angry Birds, les enfants. Ils sont là, alors il va falloir qu'ils descendent les marches, ça va pas être simple. Allez, parce qu'ils peuvent pas voler dans le studio. Non, mais ils peuvent rouler là, attention. Ouais, là c'est vrai. Il faut faire attention. Angry Birds, et en attendant, moi je vous paye votre loyer. Vous avez vu, on fait même patienter les enfants. C'est exceptionnel, alors vraiment. Restez avec nous, Frédéric, il y a une heure, gagné 608 euros. C'était le premier tirage au sort de la matinée, c'est déjà le deuxième. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je sais que c'est un rendez-vous important pour vous. Donc même dans cette matinale exceptionnelle, on continue de payer votre loyer. Et je voudrais parler à Jérôme qui a été tiré au sort. Salut Jérôme. Salut l'équipe. Comment tu vas, Jérôme? Salut. Ça va, poteau? Ça va très bien. Et je suis ravi de t'entendre, mon pote Jérôme. J'ai une question importante pour toi. Attention, oui. Jérôme, si tu réponds bien, tu vas avoir un très très beau cadeau. Écoute bien la question. C'est parti. Quelle est la radio qui paye ton loyer, Jérôme? Virgin Radio. Bravo. bravo. Ouais, super. Oh là là là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne cette émission. Mon bichon, je suis ravi. T'as un loyer de combien? Ben, 1200 euros. 1200 euros. Eh ben, il est payé. Tu viens de quel coin? Eh ben, de Bordeaux. Ben de Bordeaux, eh ben écoute, mon petit Jérôme de Bordeaux, c'est réglé, 1200 euros, on a déjà offert pour 1800 euros de loyer en deux tirages à peine, il en reste deux, 8h20, 9h20, inscrivez-vous loyer au 7-12-13, bravo mon Jérôme, et pour le moment, on va retrouver avec toute l'équipe, tous les enfants qui sont avec nous. Ah ils sont là, ils sont forts. Ils sont beaucoup sur Angry Birds à l'heure actuelle, et je vous cache pas, c'est normal, toutes les images hein, bien sûr à retrouver sur le Facebook de l'émission. Je voudrais vous demander les enfants ce que vous aimeriez faire quand vous serez grand. Ok, alors, okay là, on avait tous un rêve, moi je voulais être fou. Footballeur, puis c'est rapport au talent, c'est pas sympa, jouable. Tu touches un peu quand même. Mais non, mais d'ailleurs, il y a plein d'enfants déguisés en footballeur ce matin. Clément, t'es avec qui? Je suis avec pas mal d'enfants, même si Angry Birds m'a volé la vedette. Alors qu'on est gaulés à peu près pareil. Je suis avec, comment tu t'appelles? Cassandra. Et tu veux faire quoi quand tu seras grande? Actrice. Actrice dans quel genre de film? Des trucs drôles, des trucs pas drôles? Je sais pas. Tu sais pas encore? Ok, qu'est-ce que tu veux faire toi dans la vie? Elle est belle comme tout, hein, déguisée en diable, Cassandra. Déguisée en diable. On a une deuxième Cassandra, tu veux faire quoi dans la vie? Je veux être avocate. Wow. Avocate au tribunal ou avec des crevettes? C'est très très drôle. Ok, voilà. C'est pour ça que j'aime les enfants, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Ah non. Il n'y a pas l'antivirus Norton, il n'y a pas ça. C'est directement, c'est de la bâche dans ta gueule. Alors, comment tu t'appelles? Nathan. Et tu veux faire quoi dans la vie? Je vais être réalisateur. Réalisateur, wow. Bah, je Cassandra. Bah, on a une actrice. Il y a une actrice. Mets-toi à côté d'elle, ça va matcher. Comment tu t'appelles? Les amis, on a personne qui veut devenir Ilana. Maquilleur, comme ça au moins on a l'équipe du film hein, déjà. Peut-être. Elle est maquillée. Comment tu t'appelles? Ilana. Ilana, tu veux faire quoi dans la vie? Architecte d'intérieur. Oh. Excusez-moi, c'est les métiers que veulent faire vos parents ou c'est architecte d'intérieur? Non mais moi je voulais être ou footballeur ou joueur de jeux vidéo professionnel. Ah ben. Architecte d'intérieur, c'est magnifique. Pensais être architecte à 8 ans, mais en plus d'intérieur, c'est à analyser le métier. Ça, parce que moi à 8 ans, je voulais être éleveuse de dauphins quoi. Enfin, ah ouais, mais voilà, on avait mais d'autres oui, rêves, toi, bien je sûr. Je pensais que c'était un métier d'avenir, bien si sûr. Je regardais la série. Moi, Flipper. Je voulais être dauphin pour vous demander là où j'en étais. Un dernier Clément. Alors, qu'est-ce on a fait, il y a toutes les mains levées. Alors sans vos prénoms, donne-moi juste les métiers rapidement. Footballeur professionnel. Ah bah oui. Comment ça s'appelle? Militaire olympique. Archéologue. Footballeur professionnel, mais moins fort que mon papa. Oh. T'as dit quoi? Archéologue. Archéologue, ouais. Les amis, apparemment, c'est la Sorbonne. Hein, on les a accueillis. Ah ouais. C'est incroyable. Football. Ah ben quand même, il y a un peu du footballeur. Restez avec nous. Robotique. Ingénieur, mais c'est pas possible. Moi, je veux être neurochirurgien. Mais sans déconner, c'est les enfants de Mac Lesguide, M6 ou quoi? Vétérinaire. Qu'est-ce qui se passe? Vétérinaire. Les amis, restez avec nous sur Virgin tout de suite. On écoute un peu de pop rock électro. Major Lazer, vous l'avez compris, les enfants ont pris le pouvoir ce matin sur Virgin Radio. C'est un kiff énorme. Je crois que c'est une des meilleures émissions de ma vie. Je m'éclate, les amis. Bon réveil à vous tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous sur Virgin Radio, merci d'être avec nous. On fait connaissance avec les enfants, hein. On est en train de discuter. Bah oui. J'ai un Jack Sparrow, j'ai une Tortue Ninja devant moi, j'ai un James Bond, on a un joueur de foot du Barça, on a quelqu'un qui s'est paré pour les inondations, qui a mis des brassards. Ouais. On a tout ce matin, émission exceptionnelle sur Virgin Radio, un point sur l'actu, 7h31, on revient dans un instant. C'est le Virgin Tonic, à vos côtés. Bonjour patron. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin Berthier, mais vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien au volant d'une Citroën avec un an d'assurance offert. Dépêchez-vous du 10 au 20 juin avec Citroën Assurance. Votre première année d'assurance est offerte sur toute la gamme Citroën. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Hors vitamine et véhicules électriques soumis à conditions sous réserve d'acceptation de l'assureur dans les points de vente participants. Conditions de l'offre détaillées sur citroën-assurance.fr. Virgin Radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, Météo France a tout changé ce matin. 18 départements du Nord-Est sont désormais en alerte aux orages et 3 départements en alerte aux inondations. En Normandie et région parisienne, du beau temps sur la côte atlantique et la Méditerranée, 23 degrés en moyenne pour cet après-midi. Après les inondations, l'état de catastrophe naturelle doit être entériné ce matin en Conseil des ministres. Il permettra aux sinistrés de se faire dédommager plus rapidement. Le coût total des dégâts dus aux crues est estimé entre 900 millions et 1,4 milliards d'euros pour les assureurs. Par ailleurs, les orages ont fait une victime hier dans le Pas-de-Calais, un septuagénaire mort noyé dans son véhicule sur une route inondée. Les violents orages qui s'abattent aussi hors de nos frontières, la Belgique est également sous les eaux, des pluies et des chutes de grêle impressionnantes qui provoquent de grosses inondations et des fermetures de routes, notamment l'autoroute entre Tournai et Bruxelles. Et les manifestations se poursuivent contre la loi travail. De nouvelles mobilisations annoncées pour aujourd'hui et demain avant la grande manif de mardi prochain à Paris. Grève dans l'énergie, certaines raffineries, dans le commerce, l'agroalimentaire ou encore dans les transports. Le trafic reste perturbé aujourd'hui à la SNCF. Les prud'hommes donnent raison à Jérôme Kerviel. Ils ont condamné hier la Société Générale à verser 455 000 euros à son ancien trader. Le conseil des prud'hommes parle d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. La banque conteste. L'affaire se poursuivra la semaine prochaine au civil, cette fois devant la cour d'appel de Versailles. Juste avant l'euro, le gouvernement lance aujourd'hui une appli pour smartphone baptisée Alerte Attentat. Elle permettra de prévenir la population d'une attaque terroriste en quelques minutes avec des conseils et des consignes à respecter en fonction de la nature de l'événement. Une appli gratuite est proposée en français et en anglais. Et puis Barack Obama qui vient de passer un coup de fil à Hillary Clinton. Le président américain a félicité celle qui portera l'étiquette démocrate pour tenter de lui succéder à la Maison Blanche. À 68 ans, Hillary Clinton a revendiqué la victoire aux primaires démocrates. Elle sera opposée au républicain Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. Barack Obama qui recevra le démocrate Bernie Sanders demain à Washington. J'ai confiance en eux. Didier Deschamps, plein d'espoir pour l'équipe de France à 2 jours de l'ouverture de l'Euro 2016. Il le dit ce matin dans le journal L'Équipe, France-Roumanie, vendredi soir à 21h. Et puis l'avenir de Laurent Blanc, de plus en plus incertain à la tête du PSG. Les dirigeants parisiens négocient en ce moment avec Unai Emery qui vient de remporter 3 Ligue Europa d'affilée avec le FC Séville. Voilà pour l'actu tout de suite. Kids Tonic, bon réveil. Virgin Radio, merci de nous rejoindre les amis. Émission exceptionnelle ce matin sur Virgin. Toute l'équipe est là, bien sûr. Nico du bureau, Laure, Ginger, Pauline, Clément l'incruste, tous entièrement déguisés. On a des mascottes, on a eu Hello Kitty, maintenant on a Angry Birds avec nous dans les studios. Et puis une cinquantaine d'enfants en train de nous péter tous les micros en jouant au ballon. C'est n'importe quoi. Si vous nous rejoignez tout juste, vraiment, et je vous conseille de rester avec nous, d'aller sur Facebook pour suivre toutes les images. Merci d'être si nombreux, hein, d'ailleurs, sur les réseaux. Voilà, allez voir ces images. C'est 50 enfants complètement déguisés. Il y a des machines à barba papa. Il y a Clément qui s'est fait entièrement repeindre. Je suis avec la mascotte d'Angry Bird. Si quelqu'un veut devenir mascotte, faut jamais faire ça parce que les enfants t'aiment 5 minutes et après ils te tabassent. Ouais. Je me suis toujours posé une question. Je me demande si, quand les enfants veulent prendre une photo, si le gars qui est dans la mascotte, il sourit. Ouais, mais je crois. Je suis sûr que oui. Les amis, il y a plein de choses qui vont arriver. Alors, on a lancé 2 des enfants qui sont venus nous voir et que je remercie encore. Ils sont en train de ranger une chambre. Ouais, absolument. On sait que c'est un grand drame pour les enfants. Ouais. Ils ont jusqu'à 8 heures pour parvenir à ranger cette chambre qui était très très en bordel. Pour vous donner une idée, quasiment la chambre de la fille de l'or. Donc catastrophe. Catastrophe. Ils ont encore quelques minutes. S'ils arrivent, bien sûr, on leur fera un beau cadeau. On a déjà fait un détecteur de mensonges. Oui. Non mais c'était avec Alice. Alice est passée sur le détecteur de mensonges et on va en refaire d'ici la fin de l'émission. On a quand même plein d'enfants qui viennent me voir en disant moi aussi je veux faire le détecteur de mensonges. C'est très bizarre. Et puis surtout dans un instant, parce que vos rendez-vous sont là comme d'habitude, on paye un loyer toutes les heures. Et puis tous les mercredis, qu'est-ce qu'on fait lors dans l'émission? On fait l'école des fans. Les enfants chantent en direct, peut-être pour la première fois sur Virgin Radio. Et ben on va le faire ici avec les enfants qui sont sur le plateau et ça va être énorme. Énorme. Énorme. L'école des fans qui arrive là aussi dans un instant. Les enfants, j'ai juste une très mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Va falloir goûter les gâteaux que vous ont préparés l'équipe. Mais ils sont très bons, tu vas voir. Ils sont pas beaux, mais ils sont bons. Ils sont bons, on a fait des vrais efforts. On aura leurs avis, on fera vraiment un jury comme dans Top Chef. C'est vraiment eux qui donneront leur avis. Okay. Restez avec nous sur Virgin Radio, un peu de pop rock électro, juste avant de retrouver l'école des fans, donc des enfants qui vont chanter en direct sur Virgin Radio, Mignonnerie 2000. Mais tout de suite, c'est Justin Timberlake, c'est Martin 6 ans qui vous le dit. Tout de suite, on écoute Justin Timberlake dans une tectonique. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so, so keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance. Yeah. Oh. Yeah. I can't stop the. Radio. Soyez les bienvenus en direct sur Virgin Radio. On est avec vos émissions exceptionnelles. Il est 8h20. Je vous souhaite beaucoup de courage à vous qui êtes en train d'ouvrir les yeux. Vous qui êtes peut-être déjà sur la route, dans les transports. Et oui, on vous a réservé une surprise ce matin. C'est le Kids Tonic. Le studio est entièrement rempli d'enfants qui, les bonbons aidants et le sucre aidant deviennent ingérables. Mais on les adore. Alors, ils sont magnifiques. Ils sont tous déguisés. Ils étaient un peu timides. Maintenant, ils sont tous copains. Ils vont rester en amis pour la vie, j'ai l'impression. Oui, Laure. On ferait pas ça tous les mercredis. Ah ouais. Oh là là, ils sont magnifiques vraiment. Et alors là, comme tous les mercredis en tout cas, vraiment, les enfants soient l'honneur chez nous puisqu'on fait l'école des fans. Ouais. Et ouais, les enfants passent sur l'antenne, ils chantent pour la première fois en direct sur Virgin Radio. D'ailleurs, il y a des enfants qui ont chanté et qui sont là ce matin. Ah, génial. Ouais, qui sont venus nous voir et tout, donc ça nous fait très très plaisir. Et là, c'est trois nouveaux participants. Pauline, est-ce que tu peux nous présenter les trois participants du matin? Alors, à côté de moi, j'ai Mohamed, c'est bien ça? Oui. Mohamed en James Bond. Ouais, il est très chic. Alors, Mohamed, qu'est-ce que tu vas chanter? Black M d'Aladin. Waouh. Pauline, il faut que tu parles dans ton micro. Oui, je pensais le dire aux enfants. Non, mais en fait, j'ai un problème, je suis complètement hypnotisée par tous ces enfants, je trouve trop mignon. Alors, tu t'appelles comment? Inès, elle est d'une mignonnerie. Et tu vas chanter quoi? C'est le jour 1. Ah ouais, parce que t'es fan de Louane. Oui. Elle est, parce qu'en plus on a une maquilleuse, elle est maquillée en plus en Hello Kitty, t'es ravissante ma chérie. Et on a un troisième candidat bien sûr. Quel est ton prénom? Nathan. Nathan. Qu'est-ce que tu vas chanter? Tu fais quoi dans la vie Nathan? Ça te regarde pas. Quand on cherche on trouve. Nathan, tu vas nous chanter quoi toi? Le douanier Rousseau. Et ben tu sais quoi, t'as fait le malin, c'est toi qui commence. Okay. On y va. Nathan et Laure et moi on mettra des notes. Okay. Hein. Laure et moi, et on Pauline a des aussi. Notes. Attention, on y va de 0 à 10. Nathan en live, le douanier Rousseau parce qu'on peut être un enfant et aimer le réveillon. C'est parti, on t'écoute mon bichon. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Inviter. Laissez tout tomber. Tomber. On va embarquer. Embarquer. Pour un pays qui va vous enchanter. Enchanter. Vous en béguiner. Guiner. Laissez-vous tenter. Tenter. C'est une île perdue au milieu de l'océan. C'est un agenda merveilleux, un spectacle permanent. Allez. Comme dans les, comme dans les, comme dans les, comme dans les, comme dans les tableaux. Du douanier Rousseau. Y'a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Y'a des poissons tropicaux, plein de piquants sur le dos. Oh là là là là là là. On peut applaudir très très fort Nathan. Bravo Nathan. Pour moi, c'est un 10. Pour Laure? Pour moi, c'est un 10. C'est un 10. C'est un 10. Pauline? Bah, moi, c'est un 20. C'est un 20. Ouais. Et Clément, c'est 10. Un 10. Ça fait donc 50 points pour Nathan. C'est un sans faute. Il a harangué les foules. Attention. C'est marrant, les parents étaient plus chauds sur le douanier Rousseau que les enfants. Ah, je sens que ça connaissait plus à l'étage des parents. Attention. J'aimerais maintenant qu'on passe à Mohamed. Mohamed? Qu'est-ce que t'as envie de nous chanter, mon poteau? Mohamed est très stressé, mais il faut le détendre. Tout va bien, t'as été super, je t'ai écouté tout à l'heure, j'adore. On y va. C'est Black M. Hein. Ah. Oye, oye, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas à taille, bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sur le champ, prétendant, si tu l'aimes, je te conseille de baisser les armes. Oye, oye, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas à taille, bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sur le champ, prétendant, si tu l'aimes, je te conseille de baisser les armes. Oh là là là là, mais c'est génial! Mais c'est énorme! C'était parfait! Mais c'est génial! Et Mohamed, mais t'es énorme! Il a fait le regard de ouais, je l'ai loupé là. Mais t'es quasi un rappeur. T'es mais quasi non. un rappeur. Mais, ouais, t'es hyper mais fort. C'était génial. Mais bravo. Non, mais il est énorme. Chou. Mohamed, je te mets. On met 10 à Mohamed. Moi je mets 10, mais c'est parce que j'ai pas 20. Oh là là là là, 20. Et moi je mets 10 pour Clément. Ça fait 50 points pour bravo Mohamed. Mohamed. Oh là là, il y a deux écoles, hein. Black M, Aladdin, on est là, on rappe, et le douanier Rousseau. Quoi tapite le ponche. Attention, on va y aller avec notre dernière participante, c'est Inès, qui aime Louane. Eh bien, ma petite Inès, on t'écoute. C'est jour 1, tu veux chanter? Jour 1 à mon numéro 1, c'est amour suprême, dis-moi que tu m'aimes. Jour 2 à mon numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon homme les plus permis. Chaque jour, dépendance à l'amour, une suite... Suite à l'hôtel, supplément mortel. Ouais. Et surtout, et les amis, vous qui êtes là, qui pouvez peut-être pas être sur les images sur le Facebook, ils ont tous les trois chanté sans les paroles. Ah ouais, c'est génial. Parce que c'était pas prévu, ils sont assis à un truc devant tout le monde qui les regarde. Il y a à peu près 150 personnes là c'est qui les regardent. Et ouais, ils ont tous les trois chanté sans les paroles. Et c'est hyper ouais impressionnant. De tête. Alors vraiment, j'ai même pas besoin de regarder. 50 points pour Inès aussi. Cadeau pour vous. Les trois, vous repartez avec une tablette Storio. Mohamed, regarde ça. T'es un rappeur de dingue, mon frérot. Bravo. Hop, le douanier Rousseau. Ouais. Camille la fête. Et alors, Inès, mais magnifique. Merci. ma chérie, t'as trop bien chanté. Merci. Et bravo, on peut les réapplaudir tous les trois. Oh, incroyable, c'était l'école des fans en direct sur Énergie. Les enfants sont formidables. Ah, bienvenue à vous sur Antenne 2. Avec Pinol en tout cas. Oh là là là là. Les enfants, c'est François Fellman ce matin qui vous fait la joie d'être là pour passer cet après-midi. J'embrasse Léon Zitron qui nous regarde cet après-midi. Les enfants sont formidables. Tu es venu avec qui? Tu es venu avec qui, ma petite Brigitte? Avec mon père et sa maîtresse. Bah, c'est super. Les enfants sont formidables. Restez avec nous sur Virgin Radio, du pop rock électro et Meghan Trainor, All About That Bass. Voilà ce qu'on écoute. Je vous souhaite encore un excellent réveil. J'espère que cette émission vous plaît autant qu'à nous. C'est un bonheur de voir tous ces enfants ce matin avec nous. C'est le ski Tonic en direct en exclu sur Virgin. C'est Meghan Trainor avec All About That Bass. All You Buy A Bass. All You Buy That Bass avec la bouillabaisse. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys shakes, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. Nah, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. Excellent réveil sur Virgin Radio, merci de nous avoir choisis plus nombreux chaque matin, c'est un bonheur d'être avec vous. On vous a préparé une petite surprise, émission intégralement avec des enfants, le studio est entièrement décoré, on a 50 enfants déguisés qui sont là avec nous, on a des machines à barbe à papa, allez voir les images sur le Facebook, toute l'équipe est déguisée aussi. Ouais. On vous souhaite une excellente matinée, j'espère que ça va pour vous et ça ne nous empêche pas d'avoir vos rendez-vous habituels. Ce qui compte pour vous, votre loyer sera gagné une nouvelle fois à 8h20, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Et puis là, on a quand même envoyé deux enfants rangés une chambre depuis quasiment une heure. On va vérifier s'ils ont réussi le défi. Et puis ils devront aussi goûter tous les gâteaux que leur ont préparé l'équipe hier. Bienvenue sur Virgin, bon réveil, merci de nous avoir choisis. On revient dans un instant avec le son de Zara Larsson. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite? Coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Air France. France. La France. Is in the air. Je suis un poème d'Hugo, tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin, tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau, tu es un hot dog. Air France. France. La France. Is in the air. Avec

chanteurs d'Anières qui ont chanté le générique de l'émission depuis maintenant 2 ans et qui sont encore là avec nous ce matin. Ils sont toutes les aventures. Hein. C'est magnifique, ils chantent divinement bien. On les a amenés au Zénith de Lille, on a fait le Dôme de Marseille devant 8000 personnes avec eux. Ils sont là avec nous ce matin encore. Les enfants sont là aussi. Ça va les enfants? Ouais. Sont comme des dingues. On a chanté ensemble, on a déjà fait plein de choses et je peux vous dire, on vous a réservé encore de très très belles surprises les enfants. Mais alors, dans un instant, vous allez devoir goûter les gâteaux que vous ont préparé l'équipe. Bon courage. Ouais. Hier après-midi, vous pouvez retrouver d'ailleurs les vidéos sur les réseaux, hier après-midi, toute l'équipe s'est retrouvée dans le nouvel appart de Laure, qui est un ancien appart maintenant. Ils ont tous cuisiné ensemble. S'est marré. Ça s'est passé comment, Laure? C'était génial, mais l'état de la cuisine quand ils sont partis. En plus, Clément était très dissipé. Parce qu'alors on plaisante souvent, mais t'es une excellente cuisinière. Oui. Et en vrai, tu fais des très bons gâteaux. Mais qui s'en est bien sorti dans l'équipe? Est-ce que tu peux nous présenter les gâteaux? Alors, de chacun? Je vous présente les gâteaux. Donc, le gâteau de Pauline, c'est une petite couronne. C'est un gâteau au yaourt. Elle a tout misé sur la déco en fait. Parce que le gâteau est assez basique. D'accord. C'est qui payait la farine? Parce qu'il est très petit ce gâteau. Ah non, alors tout le monde avait tout ce qu'il voulait, mais c'est vraiment. Alors après, c'est les talents de chacun. Pauline, voilà. Ok, très bien. Pour la pâtisserie. Voilà. Mais par contre, elle a beaucoup de mérite puisqu'elle l'a fait toute seule intégralement. On va vous le faire goûter les enfants, vous nous direz celui que vous préférez. Voilà. Là on est sur quoi là? Alors tandis que Nico du bureau lui a opté pour un mi-prêt, c'est-à-dire qu'il a rajouté quelques petits ingrédients, mais enfin il était quand même déjà bien. On bien est avancé. Sur du cookie? On est sur un cookie chocolat, pépite de chocolat. Pépite de chocolat, oui cookie, Nico du bureau. Pépite de chocolat avec le VT Virgin Tonic dessus à la main. C'est ma petite touche personnelle. On n'a pas tous eu la même chance parce qu'on voit quand même que le gâteau de Laure qui est sous cloche par exemple, nous on a eu des petites visites très bien présentées. Sous cloche parce qu'il est fragile. On finira par celui-là. Je voudrais savoir ce que Clément a préparé comme gâteau. En fait, moi je suis arrivé en retard parce qu'on était en train de boire des coups en terrasse. Non mais qu'est-ce que c'est? Attends, alors Clément. Alors allez voir les images, je rappelle, l'émission est entièrement retransmise sur Facebook bien sûr et à la radio. J'espère que l'émission vous plaît autant qu'à nous. Là vraiment c'est, je connais pas le dans le Père Noël est une ordure. Comment on l'appelle? Cloug. Alors, c'est un cloug. Les enfants, je vous aime trop pour vous faire manger ça. Alors, personne ne goûte le gâteau de Clément. Le bon point, c'est qu'il est comestible. Tu vois, c'est déjà énorme pour Clément. Et Clément a écrit Clément sur le gâteau. Il a écrit Clément et il voulait absolument rajouter sa touche personnelle. Donc il a mis un carré de chocolat au milieu, ce qui a absolument On peut lier le goût artistique, messieurs dames. Qu'est-ce que nous a fait Ginger des réseaux sociaux? Ginger, elle nous a fait un cheesecake Oreo, monsieur. Oh la classe. Elle s'est pas moquée de nous, Ginger. Pas mal. Alors je vais être honnête, il est pas super appétissant. Mais en général, en pâtisserie, le plus appétissant ne veut pas dire le meilleur. Voilà. Il y a Inès qui est avec nous, la belle qui a chanté il y a 2 secondes sur Louane. Inès, il te donne envie le gâteau de Ginger? Lequel? Non. Voilà. L'honnêteté des enfants. Je peux pas te donner tant. Et alors t'es sur quoi toi ma petite Laure? Moi j'ai fait un fondant chocolat beurre salé à l'effigie de Spider-Man. Non, mais il y a Spider-Man dessus. Ouais. Pauline, c'était Reine des Neiges. Moi, c'est Spider-Man parce que j'ai tout misé sur les garçons. Oh là là là là là là. Il est magnifique le gâteau de Laure. On les met en image. Et les enfants, vous allez nous dire dans un instant celui que vous préférez. Mais juste avant un dernier point sur. Pas un dernier d'ailleurs, il est que 8h. Mais avant un point sur l'actu qui arrive dans un instant, le pop rock électro que vous aimez, votre loyer à gagner à 8h20. On a lancé un grand défi. Il y a de ça 1 heure sur Virgin Radio. 2 des enfants ici présents devaient ranger intégralement la chambre. Je rentre dans la chambre. Oh là là, c'est un appartement témoin les amis. C'est rangé magnifique. Ils ont même mis les peluches derrière un pupitre, un pupitre d'école. Tout est magnifiquement rangé. Les enfants, rappelez-moi vos prénoms. Ambre. Ailey, il était. Ailey, on l'a mis dans la chambre, on n'arrivait plus à le gérer dans le public. Ailey et Ambre, mes chéris, bravo, vous avez relevé le défi. Je vous offre à tous les deux une tablette VTech. Franchement, c'est un très très beau cadeau. C'est comme un iPad, mais pour les enfants. Ok? C'est-à-dire, il y a la sécurité enfant, vous ne pouvez pas aller sur des trucs un peu bizarres. Et les amis, c'est gagné. On peut les applaudir de l'autre côté. La chambre est parfaite, les amis. Elle est parfaitement rangée. On te voit, Camille, en fait. On a les images. Ouais. Incroyable. D'accord, mais je pense aux gens à la radio. Bien sûr. Évidemment, restez avec nous, les amis. Encore plein de chance qui arrive. On va en faire repasser un enfant sur un détecteur de mensonges. Oh là là, restez là avec nous. Les enfants, on a une invitée exceptionnelle qui va nous rejoindre dans un instant. Restez avec nous. Vous êtes sur Virgin Radio, le Kids Tonic. Réagissez sur les réseaux. J'espère que l'émission vous plaît. Émission très particulière, mais vraiment, on s'éclate à la faire. On a une machine à barbe à papa, on va tout faire. Camille. Les amis, restez avec nous. Je crois qu'un coup d'état se prépare là. Je crois qu'il faut que tu reprennes le pouvoir, Camille. Il est en train de se passer un putsch dans ce studio. Restez avec nous sur Virgin. On se retrouve juste après l'actu. Bon réveil à tous. Les infos. infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, 21 départements désormais en alerte aux orages et aux inondations ce matin dans le Grand Quart Nord-Est. La Normandie et la région parisienne, un risque de grêle sur le Nord-Est. De belles éclaircies sur la côte atlantique et la Méditerranée, 22 degrés cet après-midi à Paris et 30 à Nîmes. Dans les communes sinistrées, le nettoyage continue après les crues. Le coût des dégâts est estimé entre 900 millions et 1,4 milliard d'euros. L'état de catastrophe naturelle doit être entériné ce matin en Conseil des ministres. La petite commune de Romanswiller dans le Bas-Rhin a été dévastée hier par une énorme coulée de boue qui a tout emporté. Le château de Chambord, lui, lance un appel aux dons pour faire face aux frais de réparation. Je vous ai mis le lien sur le Twitter de la rédac. Et il n'y a pas qu'en France que le printemps est pourri. La Belgique pense ses plaies ce matin après de grosses chutes de grêle et de fortes pluies. L'autoroute vers Lille est fermée entre Tournai et Bruxelles. Le plan d'urgence s'est déclenché dans plusieurs communes. La galère pour les usagers des transports. Les cheminots ont voté la reconduction de la grève pour ce mercredi. Trafic perturbé avec 3 TGV sur 4 en moyenne et 6 TER sur 10. Pour aider les salariés engagés dans des grèves, y compris non syndiqués, la CGT a mis en place une cagnotte qui a récolté plus de 200 000 euros. La Société Générale doit 455 000 euros à Jérôme Carviel. La banque a été reconnue coupable de licenciement abusif hier devant les prud'hommes. Elle a fait appel. Prochaine étape au civil, cette fois dès la semaine prochaine devant la Cour d'appel de Versailles. Allez, étranger, c'est fait pour Hillary Clinton. À 68 ans, elle remporte les primaires démocrates. Elle revendique la victoire lors d'un discours à New York. Elle affrontera le républicain Donald Trump le 8 novembre. Barack Obama lui a téléphoné ce matin pour la féliciter. Parmi les sorties ciné du jour, Vicky avec Victoria Bedos, Chantal Lobby et François Berléand, la crise d'adolescence d'une quasi-trentenaire qui va s'émanciper en se lançant dans le rock. Sortie aussi de Bienvenue à Marly Gaumont, une comédie sur l'installation d'un médecin africain et de sa famille dans un petit village français des années 70. Et puis autre comédie, La Nouvelle Vie de Paul Schneider avec Thierry Lhermitte à Montréal. En foot, le successeur de Laurent Blanc pourrait être Unai Emery. Les dirigeants du PSG seraient en négociation avec le stratège espagnol. Le journal Le Parisien rappelle qu'il vient de remporter 3 Ligues Europa d'affilée à la tête du FC Séville. Le français Jimmy Vicot lui a égalé son propre record d'Europe du 100 mètres en 9 secondes 86 centièmes hier au meeting de Montreuil en Seine-Saint-Denis. De très bon augure à 2 mois des Jeux Olympiques de Rio. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Kings Tonic, une émission spéciale enfant. Bon réveil. Bienvenue sur Virgin Radio, merci d'être avec nous les copains. Si vous nous rejoignez à l'instant, peut-être que vous venez de démarrer le boulot à 8h, peut-être que vous montez tout juste dans votre bus. Eh bien écoutez, on vous souhaite énormément de courage comme tous les matins. On est avec vous 6h, 9h30, on s'occupe de tout. Bon courage en plus avec toutes ces grèves qui continuent. Ouais. Je sais que ça complique la vie de plein de gens. En tous les cas, nous on vous lâche pas chaque matin du lundi au vendredi. L'équipe est avec moi bien sûr. Oui. Mais alors c'est une émission complètement particulière. C'est l'émission Kids Tonic, c'est-à-dire que les enfants ont le pouvoir ce matin. Voilà. On est entouré de 50 enfants, le studio est entièrement redécoré. Et c'est même pas une salle de classe, c'est quoi? C'est une sorte une kermesse. C'est une kermesse. C'est la fête de l'école. Ouais. On a des Playmobil, on a tout, il y a des ballons partout, on a des pistolets à eau, on a des gens qui peuvent maquiller les enfants qu'ils souhaitent, et puis toute l'équipe est déguisée, on a Laure qui est en belle de La Belle et la Bête. Oui, est-ce qu'on peut dire qu'on a aucune autorité? Aucune. Hein, on n'arrive plus à rien faire. On a Nico du bureau qui est en Francis Lalanne. Ouais. Jack Sparrow. Jack Sparrow, c'est Francis Lalanne à Koh-Lanta. T'es chez les Maasai. Oh, moi, comme je t'aime. On a Ginger qui est en Princesse Réponse. Oui, avec très les bien, cheveux longs. Qui est belle comme tout. Et alors, en Reine des Neiges, nous avons Pauline du Standard. Et oui, et moi, on m'a demandé si j'étais un adulte ou un enfant. Ça m'inquiète. Les amis, on passe une matinale géniale. Parce que ouais, ce qui est bien, on le dit souvent avec le Réponse à tout qui est tous les matins sur, dans le Virgin Tonic, c'est que les enfants n'ont pas de filtre. C'est-à-dire, on se prend les plus grosses bâches du monde. On prend tout, mais on passe vraiment une matinale géniale. Oui, Laure. J'ai demandé à un petit garçon s'il me trouvait joli. Il m'a répondu non, j'ai déjà une meuf. C'est quand même génial. Et moi, il y a un petit qui avait peur de moi. Il m'a demandé si j'avais déjà mangé des enfants. Parce qu'il faut assumer Clément en plus et dans le public. Et Clément est alors déguisé en mignon, mais on le disait en début d'émission, en Coluche quoi. En Coluche, moi. Alors les enfants pensent que c'est Wario, le copain de Mario. Et ouais. Voilà. Et les adultes pensent que c'est Coluche, le cousin, pardon. Pardon, bah c'est super d'un mec. Personne pense que c'est beau gosse. Non, il n'y a pas de risque à ce niveau. À l'unanimité. Oui. Les amis, dans un instant, les enfants, tiens, préparez-vous. Puisque dans un instant, je vais vous demander quel est votre gros mot préféré. Ah, les gros mots. Mais gros mots gentils, parce qu'ils en connaissent des vrais apparemment. Non, non, non, gentils, hein, des trucs sympa que vous pouvez dire dans les cours d'école. Je rappelle, hein, et je remercie encore les parents qui ont amené tous leurs enfants dès 6h du mat ici avec nous. C'est quand même fou d'avoir une salle comme ça remplie d'enfants à 6h. Et mais ils sont là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez plus intervenir à partir de maintenant. Et ils vont nous dire tous leurs gros mots préférés dans un instant sur Virgin Radio. C'est le mercredi 8 juin aujourd'hui. Et on va s'écouter un peu de pop rock électro. Ouais. Ok, Laure adore Zara. Moi j'adore Nicky Larson. On s'est dit, mais pourquoi pas créer Zara Larson. Bah voilà. Et c'est Lush Live. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Excellent réveil à vous tous. Les enfants prennent le pouvoir. No past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Now I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. Kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff, I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh. On est de retour sur Virgin Radio en direct, bien sûr, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous, bon courage, rassurez-vous, vos rendez-vous habituels sont là dans un instant, je paye votre loyer, vous qui nous écoutez, je sais que c'est un rendez-vous très important pour vous, c'est à 8h20 dans 10 minutes, il n'est pas trop tard, on n'a pas encore tiré au sort, loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire, soyez tous les bienvenus, courage, vous qui êtes peut-être pas encore arrivés au travail, encore dans les galères des bouchons, l'équipe est là bien sûr, bien oui, sûr. Les enfants sont là bien sûr, oh là là. On n'entend rien. Une cinquantaine d'enfants entièrement déguisés. On vous a préparé une très belle surprise encore, hein, les enfants qui arrivent. Mais pour le moment, je voudrais vous poser une question. Je rappelle, ils sont tous déguisés. On a quand même un qui s'est déguisé en PDG de Virgin Radio. Ah, il est ouais, génial. Il est super. Et ça ne fait pas rire du tout. Il vous regarde, genre, je suis vraiment le patron. Quoi. Comment tu les trouves, patron? Énervant. Énervant. Il se moque de toi. Ouais. Ah mais t'es le vrai. Je joue vraiment le patron. Ah mais ouais, mais surtout on dirait le vrai patron. Ah, il y a deux PDG, il y a le comme à Virgin Radio, il y a deux patrons. T'es le... tu veux tu veux non, les c'est l'Audigo sur ça ou vous êtes tous nuls. Le patron vénère. Je voudrais dire deux mots pour le PDG de Virgin Radio, c'est lui qui me sponsorise et franchement, je suis pas assez bien payé. Parce qu'il est déguisé en frérot de la Vega. Il est en frérot de la Vega, donc t'es pas assez payé. Mais le vrai PDG de Virgin Radio, il est là, il regarde son téléphone, il fait semblant de pas vous voir. Il est juste à côté, et alors lui, il est habillé, mais c'est lui qui a habillé un enfant. En fait. C'est ça. Ouais, c'est de changer les fringues. Sa maman, elle me dit, voir, elle me dit, demain ta cravate. Bon, en même temps, Fredo le patron, il fait du 8 ans, donc voilà, ça passe. Hein. Les enfants, je vais vous demander maintenant, quel est votre petit gros mot préféré. Quand vous vous embrouillez les filles avec une copine, d'accord, il y a un petit embrouille avec une copine, ou vous les garçons avec un pote, quel est le truc que vous lui dites. Et pas des grosses. Il y a les quand même. N'oubliez pas, ils sont pas avec nous, on est entre nous, mais les parents sont quand même pas loin. Hein. Ouais, ils regardent chelou. Je te laisse, Clément, vas-y. Quel est votre gros mot aujourd'hui? Parce que nous, on est un peu ringard avec Laure, on a 33 ans, on sait plus où on en est. Dites-nous quelle est la, les injures un peu à la mode. Alors, on commence avec les filles. Les filles, vos gros mots préférés? Zut. Triple fesse de mammouth. Triple quoi? Fesse. De mammouth. Triple fesse de mammouth. C'est pas mal. Pas mal. Tête de nouille. Tête de nouille, c'est pas mal. Tête de mouton. Tête de mouton. Tête de pioche. Tronche de cake. Oh. Tronche de cake, on l'avait ça, on l'avait aussi à l'époque. Tronche de calamar. C'est pas mal. Ah, ça c'est nouveau ça. Clément, il y a ton costume qui s'ouvre derrière. Oui, je sais, mais je me suis fait agresser par les enfants. D'accord, moi je disons que ça va parce que les caméras ne filment pas là, je rappelle tout est filmé sur Facebook, mais nous on a la vue sur une belle oreille du plombier. Ça devient un vrai problème. J'ai l'impression que t'es en train de réparer mon évier. C'est quoi ton insulte préférée? Nounouille. Nounouille. Nounouille. Oh, c'est mignon, nounouille. Tête de bouse de vache. Tête de bouse de vache. Ta mère, elle est tellement plate qu'on peut la faxer. Ça, c'est méchant. Ah ouais, c'est pas gentil. C'est une expression. Tête de naze. Tête de compote. Tête de compote. Tête de compote. Tête de compote. Tête de yaourt. Tête de yaourt. C'est toujours tête, hein, dedans. Qui a des insultes encore, là? Moi, j'en ai, moi. Tête de canard. Tête de canard. Canard. Bah écoute, pourquoi pas. C'est déjà fait, moi. T'en avais pas d'autres? C'est déjà fait, moi. Parce que moi, tout à l'heure, il me voit, il m'a dit j'en connais, il me les a sortis, j'ai fait celle-ci non, celle-ci non, celle-ci non. Ouais, parce que je sens qu'on monte crescendo. Mollons les enfants, hein. rien de trop. Hein. Schizo. Schizo, ah, ouais. Ah, c'est pas mal, schizo. Crotte de bique. Ah ouais. Crotte de bique, on l'avait aussi. Hein. Ouais. Non? Crotte de licorne. C'est pas mal. Et alors, une dernière. Attends, ma chérie, imaginons, tu croises Clément. Tu l'aimes pas, qu'est-ce que tu lui dis? Là, tu t'adresses directement à Clément l'Incruste. Bah, sors ton gros mot. Ça te dérange, ça te dérange, tu t'épluches et tu te la manges. Ok. Génial. À chaque fois que tu pars, je te dis blablabla. Place ton produit, c'est le fils de Blablacar. Il est là avec nous ce matin. Les amis, bon, on en a eu beaucoup. Tu te déranges, ça te dérange, tête d'orange. Tu t'épluches et tu te la manges. Les amis, et dans un instant, on va se retrouver avec le loyer. Voilà ce que je vous offre dans 2 secondes sur Virgin Radio. Les enfants, vous restez avec nous? Ouais. Énorme surprise qui arrive dans un instant sur Virgin Radio. Restez bien dans le coin. Mercredi 8 juin aujourd'hui. Je vous souhaite un très très bon réveil. Merci d'être à l'écoute du Virgin Tonic chaque matin. On est sur du pétard là à l'heure actuelle. Cette émission dégénère. On va faire des barbes à papa aussi. Bon réveil à vous tous. Les amis, les images à retrouver sur Facebook. Et le son de Bruno Mars dans un instant. Uptown Fun. Bon réveil. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Le smoky des défilés n'est pas réservé qu'aux stars. Chez Sephora, ils font ça très bien. Une soirée imprévue? À l'aise le regard de braise. Au Make-up Bar, le smoky, c'est gratuit et sans rendez-vous. Des experts qui savent faire, ça change tout. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Juste quelqu'un. Bien. Grâce à notre opticien Atoll, nos yeux sont bien protégés. Pour l'été, j'ai choisi des lunettes de soleil Polaroid. Et il m'a proposé une deuxième paire à moitié prix. Parfait pour mon fils. Avec mon super opticien Atoll, même pas perdre les rayons du soleil. Même pour des solaires sans correction, confiez votre vue à un professionnel. Les verres polarisants suppriment la réverbération et améliorent les contrastes. Et en ce moment, pour l'achat d'une solaire Polaroid, la deuxième est à moitié prix pour qui vous voulez. Offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Salut, moi c'est Lucas Plat. Oui, bon je sais, en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte à pré-vente. Avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh mon Lucas Plat, tu me regonfles. Qu'elle a fait. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers, pose dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Et voici la sélection Beansport pour cet Euro 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tullet, Marcel Desailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Jorge bien sûr, et un Bruno Chéroux très motivé. Vendredi, coup d'envoi de l'UEFA Euro 2016 avec le match France-Roumanie en direct sur Beansport. Et jusqu'au 10 juillet, vivez tout l'UEFA Euro 2016 sur un plateau avec Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com.

les amis, bienvenue à tous. Merci à tous les enfants qui sont là ce matin. Merci à vous d'être venus. Merci aux parents de les avoir amenés aussi. Émission exceptionnelle, le Kids Tonic ce matin. Les enfants ont le pouvoir de 6h à 9h30. L'équipe est déguisée, bien sûr. On a une machine à barbe à papa. Tout est décoré. Les enfants font ce qu'ils veulent. Et déjà, tout le monde était rangé. C'était un peu comme à une boum. Il y avait les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Maintenant, mais c'est un melting pot. Ah oui. C'est magnifique. Les enfants, il va se passer encore plein de choses, mais avant quand même, et je sais vous qui nous écoutez, c'est important pour vous. Vous pouvez suivre d'ailleurs toute l'émission en streaming sur Facebook et sur virginradio.fr. Mais pour le moment, quand même, on paye votre loyer toutes les heures, on n'oublie pas, on l'a fait à 6h20 et à 7h20 déjà, Laure. Ouais, on a payé le loyer de Frédéric, 608€, et on a payé le loyer de Jérôme, 1200€, plus de 1800€ de loyer. 1808€ pour moi. Oui, tout à fait. Merci à vous, Laure, on se retrouve dans un instant. Merci pour votre travail. Et c'est parti, troisième tirage au sort déjà de la matinée. On y va sur Virgin Radio. Et comme d'habitude, pour vous faire patienter les enfants, on vous envoie quelqu'un que vous aimez bien. Regardez, il y a les mignons qui sont là dans le studio. Ouais. Vous allez pouvoir prendre les photos, passer un petit moment avec eux. Et en attendant, on va quand même payer le loyer de l'un d'entre vous qui s'est inscrit. Loyer au 7-12-13 par SMS. Je vous souhaite bonne chance à tous, les amis. Où que vous soyez en France. Il y a deux Coluches. Ça arrive dans un instant. Oui, parce que Clément était en mignon, mais on aurait dit Coluche. Là, c'est les vrais mignons qui sont là. Attention. Je rappelle aussi que les enfants goûtent les gâteaux de l'équipe. On va leur demander ce qu'ils en pensent dans un instant. Mais hier, ils ont passé l'après-midi chez Laure quand même pour leur préparer les gâteaux. Ouais. On refuse le mien. Vous êtes sur la messagerie du 06. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on paierait pas le loyer d'un enfant dans le... C'est malheureusement perdu, je suis désolé. Alors pour vous tous qui vous êtes inscrits, on appelait Julien. C'est ça. Julien, il habitait Lille en plus, voilà, je sais tout de lui, mais il n'a pas souhaité me répondre. Un problème que j'ai souvent avec les femmes. Julien, mon bichon, je suis désolé pour vous tous qui vous êtes inscrits. Prochain tirage au sort pour le loyer, rassurez-vous, ça arrive très très vite. Ce sera à 9h20, dernier tirage de la matinée. Restez avec nous, plein de choses qui arrivent. Les enfants sont en train de goûter le gâteau. Et alors, les enfants, quand même, avec les mascottes, ils sont pas tendres. Ah non, ça c'est... On va pas se mentir. Ah ouais. Je ne sais pas qui sont dans les mignons, mais ils doivent passer un bon moment, en tout cas. N'hésitez pas à les bousculer, les enfants. Non. Ils aiment tellement qu'ils les enlèvent de tout. Alors, est-ce qu'on va faire un petit tour, quand même, savoir qu'est-ce que les enfants pensent des gâteaux de l'équipe? Alors, je vais commencer. Alors, il y a le gâteau de Laure, là, qui est en train d'être mangé, qui est censé être le meilleur. Voilà, je pose la question à Léonie, qui est en train de manger, justement. Il est bon, mais il est un petit peu lourd. Ah ben, c'est ça. Ah ben, ouais, ben c'est tout Laure. Alors... Toi, t'es sur quoi? T'es sur le même gâteau? Tu le trouves comment? Bien. Il est bien. Bon. Ouais, on va demander maintenant pour les autres gâteaux. Qui a goûté celui de Pauline? Celui-là, qui a goûté celui de Pauline? Qui a goûté celui de Pauline? Alors, dis-moi la vérité. Hein. T'as le droit, si c'est pas bon, tu peux me le dire. C'est bon. Ça va, il est bon. Ça va. Ça passe. Mathéo. C'est un gâteau nature. Voilà. C'est un gâteau à rien en fait. Mais c'est comme un gâteau à rien. Il a quel goût? La farine. Ok, tout simplement. Alors là, je crois que tu as goûté mon gâteau. Tu l'as trouvé comment? Le gâteau de ginger. Ah, le gâteau de ginger. Est-ce qu'il est bon le gâteau de ginger? Non. toi, t'as goûté celui de ginger aussi? Il est comment? Il est trop bon. Ah, c'est partagé. Merci. Ah bah très bien, Mathéo. Il est bon, ok. Il est bon, très bien. Mais c'est pas le meilleur. Apparemment, Mathéo a goûté moi, à tous les gâteaux. Moi, j'ai même pas goûté. D'accord, mais tu l'as pas trouvé bon. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre, un autre avis? Je rappelle, on est entouré de gros fonds. Est-ce que quelqu'un veut goûter mon gâteau en fait? Parce que personne ne l'a pris. Bah, non. En tout cas, le mien, c'est des ravages. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les enfants, quel est le plat à la cantine ou à la maison, le plat que vous détestez le plus? Ne criez pas, attendez. Alors, dites-moi. On vous donne le micro, ne criez pas. Qu'est-ce que tu détestes? Si vous avez des revendications, faites-les savoir. Je vous l'ai dit, trouvez un leader. C'est important. Ne criez pas les enfants. Tiens, ma chérie qui est là, qui m'a fait plein de beaux cadeaux, en plus elle m'a offert plein de bonbons et tout. C'est quoi le plat que tu détestes le plus que ta maman ou ton papa te fait? C'est à l'école. C'est quoi? La purée au poisson. La purée au poisson. La brandade de morue. C'est horrible. Oh là là, ouais, brandade de morue, c'est dur. Ça, c'est pas bon. Brandade de morue, purée au poisson, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de pas bon? Il y a les légumes et les épinards. Ah ouais, les épinards, c'est dégueu. Ouais, tous les trucs, ouais. J'aime pas la purée. La purée? Moi. Alors, épinards, courgettes, petits pois, haricots verts. Oui, tout ce qui est vert, quoi. Tout ce qui est vert. Shrek, CTLM, on a compris. Tout ce qui est vert, ça passe pas. Le poisson. et c'est tout. Les lasagnes aux épinards que ma mamie elle fait. C'est beaucoup les épinards. Qu'est-ce que vous n'aimez pas à la cantine? Toi t'aimes tout, tu manges tout à la cantine? Non, les épinards. Les épinards? Les choux de Bruxelles. Ah, les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles, ouais. Déjà à l'odeur, tu sais que tu parles d'une aventure. Les épinards. Le poisson sec. Le poisson sec, ouais, mais faut que ta maman le cuise. Hein. Si les petits bâtonnets igloo, ils passent directement du congélateur à l'assiette, c'est normal problème. Que ce soit pas idéal. Hein. Les artichauts. Ah, les artichauts. Les artichauts, tout ce qui est vert, en fait, les légumes. Hein. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. Plein de choses encore qui arrivent dans l'émission. On va juste écouter quand même un petit peu de pop rock électro. Vous en avez besoin pour ouvrir les jeux, je le sais. Merci de nous avoir choisi le Virgin Tonic jusqu'à 9h30. Et Bruno Mars, Uptown Funk. Et on n'aime pas les carottes sur Virgin Radio. Vous l'avez compris, excellent réveil. J'ai volé les clips de ta radio. Virgin Radio. Sip that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Jump on it. If you sexed and flown it. If you freaked and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Matin, Virgin Radio. Bon réveil à vous tous les amis, merci d'être avec nous dans le Virgin Tonic, émission spéciale enfant ce matin. C'est une immense garderie, le studio de Virgin Radio. Voilà, on a plein de choses, on prend soin d'eux, on a des gâteaux, on a des bonbons, des barbes à papa, on a tout ce qu'il faut. J'espère que vous passez une très très belle matinée avec nous. Nous en tout cas, on se régale. Les images sont à retrouver sur le Facebook bien sûr, et on est en top tweet depuis ce matin. Merci de réagir hein, sur les réseaux, le Facebook, le Twitter, n'hésitez pas. Émission Mignonnerie 2000 ce matin. C'est le Kids Tonic, Laure. J'ai promis à une petite fille qui s'appelle Sylvia de faire un gros bisou à son papa Fred. Voilà, gros bisou à Fred de la part de sa fille Sylvia. Eh ben, on t'embrasse Fred. Et sache que, à mon avis, vu le sucre qu'il mange depuis ce matin, elle va être très agitée ta fille quand on va te la rendre. Restez avec nous sur Virgin 8h30. Un point sur l'actu, comme toutes les demi-heures avec tous nos journalistes. Le pop rock électro qui arrive aussi avec le son de Sia, Chief Trills. Je vous souhaite un excellent réveil à tous. Les enfants sont à fond, les parents commencent à fatiguer au fond. Ouais. C'est pas mal, hein. Bienvenue dans ma vie. Restez avec nous sur Virgin Radio, je vous souhaite un excellent réveil. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, il y a désormais 18 départements du Nord-Est en alerte aux orages, du Jura jusqu'à l'Alsace et 3 départements maintenus en alerte aux inondations en Normandie et en région parisienne. Du beau temps sur la côte atlantique et la Méditerranée, 23 degrés en moyenne cet après-midi. Après les inondations, l'état de catastrophe naturelle doit être entériné ce matin en Conseil des ministres. Il permettra aux sinistrés de se faire dédommager plus rapidement. Le coût total des dégâts dus aux crues est estimé entre 900 millions et 1,4 milliard d'euros pour les assureurs. Les orages qui ont fait une victime hier dans le Pas-de-Calais, un septuagénaire noyé dans son véhicule sur une route inondée. Le village de Romanswiller en Alsace a lui été dévasté par une coulée de boue. Les violents orages qui s'abattent aussi hors de nos frontières, la Belgique est également sous les eaux. Des pluies et des chutes de grêle impressionnantes qui provoquent de grosses inondations et des fermetures de route, notamment l'autoroute entre Tournai et Bruxelles. Les manifs se poursuivent contre la loi travail. De nouvelles mobilisations annoncées pour aujourd'hui et demain avant la grande manifestation nationale de mardi prochain à Paris. Grève dans l'énergie, certaines raffineries, dans le commerce, l'agroalimentaire ou encore dans les transports. Le trafic reste perturbé aujourd'hui à la SNCF. Les prud'hommes donnent raison à Jérôme Kerviel. Ils ont condamné hier la Société Générale à verser 455 000 euros à son ancien trader. Le Conseil des prud'hommes parle d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, un licenciement abusif, ce que la banque conteste. L'affaire se poursuivra la semaine prochaine aussi. Civil cette fois devant la cour d'appel de Versailles. Juste avant l'euro, le gouvernement lance aujourd'hui une appli pour smartphone baptisée Alerte Attentat. Elle permettra de prévenir la population d'une attaque terroriste quasiment en temps réel avec des conseils et des consignes respectées en fonction de la nature de l'événement. Une appli gratuite est proposée en français et en anglais. Hillary Clinton revendique la victoire aux primaires démocrates. Elle en est sûre, c'est elle qui croisera le fer avec le républicain Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. Barack Obama l'a même appelé ce matin pour la féliciter. Il n'empêche que son challenger Bernie Sanders refuse de s'avouer vaincu, il continue la campagne. J'ai confiance en eux, Didier Deschamps, plein d'espoir pour l'équipe de France à 2 jours de l'ouverture de l'Euro 2016. Il le dit ce matin dans le journal L'Équipe, France-Roumanie, vendredi soir à 21h. L'avenir de Laurent Blanc, de plus en plus incertain, à la tête du PSG. Les dirigeants parisiens négocient en ce moment avec Unai Emery, qui vient de remporter 3 Ligues Europa d'affilée aux commandes du FC Séville. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Kids Tonic, une émission spéciale Kids avec Camille Combal et des enfants de toute la France jusqu'à 9h30. Très bon réveil avec nous. On est toujours dans le Kids Tonic, émission en direct d'une garderie quasiment. On a transformé un studio voilà, en kiff pour les enfants. Il y a plein de choses, il y a des mascottes. Je suis en train de faire une barbe à papa en direct. Hein. Mais dis donc, t'es hyper fort en barbe à papa. Ah ben, les amis, j'en ai fait plein. Tiens, ma chérie, et d'une, on y va, on enchaîne. Merci, on y va. J'ai de la pomme d'amour également. Approchez. Et donc, je suis en pleine, en train de faire les barbes à papa pour les enfants. Ça va toujours, les enfants? Les amis, on est avec vous jusqu'à 9h30. Hola. J'espère que tout va bien pour vous. Très, très bon courage à vous qui ouvrez les yeux. Plein de choses vont arriver dans l'émission. L'un d'entre vous va repasser au détecteur de mensonges. Oh là là là là. Eh oui, on va savoir si vous avez fait des grosses bêtises. On saura tout grâce à notre machine incroyable, bien sûr. On aura un dernier tirage au sort pour le loyer. C'est important. Vos rendez-vous sont là, bien sûr. L'équipe est entièrement déguisée. Ouais. Ce matin, Laure, alors toi qui es maman, comment tu trouves nos enfants ce matin? Je les trouve carrément disciplinés par rapport à ce que je pensais. Et ils sont sympathiques, quoi. Ils sont adorables. Pauline du Standard est en Reine des Neiges. Elle est là-haut. Ah, elle n'a plus le micro. Elle est là-haut. Elle est complètement perdue. Il y a également Ginger qui est en princesse réponse. Tout à fait. Ça va, ma chérie? Magnifique. Et Clément qui est plus en mignon. Ça y est, il est plus déguisé, Clément. Bah, ils m'ont arraché mon costume avec la joie de vivre enfantine. Donc voilà, j'ai remis un t-shirt. Et c'est. Alors, tu sais qui c'est sur ce t-shirt ou pas? Non. À votre avis, tu connais ou pas? Je sais pas. C'est Carlos en fait, mais il y aura peu de chance. Ouais. Mais ils m'ont dit c'est le Père Noël, mais quand il bosse pas. Alors. Excellent. Et Carlos qui a quand même inventé le filtre Instagram couronne apparemment. Ouais. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio. On va s'écouter un petit peu de pop rock électro. On va revenir avec vous le temps d'installer des enfants sur le détecteur de mensonges. Gentiment, on lui pose des questions, voir s'il nous ment, des questions embarrassantes. Il sera face à ses parents et il ne pourra plus tricher. On en a marre, les enfants. Vous êtes la relève, vous allez payer nos retraites, on veut des gens francs, ok? Et pas franc-maçon comme Clément, juste francs. C'est important, restez avec nous sur Virgin Radio, on se retrouve dans un instant, 8h35, le temps d'écouter un petit peu de Sia, Cheap Trees, excellent réveil à vous. Vu que c'est les enfants qui décident, on fait ce qu'on veut sur Virgin Radio. coup, on va écouter Pia. Même si elle a un nom un peu chelou, l'aime bien. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio, on est en direct bien sûr comme tous les matins du lundi au vendredi 6h-9h30. Vous êtes ici à la maison, vous le savez, le Virgin Tonic c'est votre émission. On l'a fait à vos côtés et c'est vrai que on adore donner beaucoup de place aux enfants dans notre émission avec le Réponse à tout, avec l'école des fans. Voilà, il y a plein d'enfants qui interviennent toujours. On s'est dit mais pourquoi pas faire une émission spéciale entièrement dans une sorte de grande garderie. Tous les enfants qui sont avec nous sont déguisés. Ouais. On les maquille, on a des barres à papa, le studio est complètement décoré. Allez voir les images sur le Facebook de l'émission Le Virgin Tonic, vous verrez tout ça. L'équipe aussi est déguisée, en tout cas ce qu'il en reste. Clément s'est fait arracher son costume de mignon. Ouais. Elle est en strip-teaser, c'est incroyable. Quel succès pour Clément. Mais alors là, il est temps de passer au détecteur de mensonges. Parce qu'on a une machine incroyable qui permet de savoir quand on ment, quand on dit la vérité. Et alors il faut savoir que toute l'équipe est passée sur ce détecteur de mensonges. Oui. C'est vrai. C'est là qu'on a appris que Laure avait trompé Juju 5 fois. Ça va pas à la tête. Non, mais non, 4 fois. Mais alors, arrêtez, il écoute. Et là, on l'a placé sur un des enfants qui est avec nous. Évidemment, c'était Amis tout à l'heure qui s'est prêté au jeu. Et là, Nico du bureau, on est avec qui? On est avec Cassandra. On ne t'entend pas, on Nico. On est avec Cassandra. Ouais, on est avec Cassandra, enfin Cléopâtre. Cassandra déguisée en Cléopâtre. Comment vas-tu, Cassandra? Bien. Attention. Attention. On va rentrer maintenant dans les questions. T'es stressée, Cassandra? Comment? T'es stressée? Oui. T'as bien raison. Trop mignon. Elle a raison, alors t'as quel âge, Cassandra? 10 ans, très bien. On va faire un petit point. Cassandra, j'ai une première question pour toi. Je rappelle, l'appareil nous dira si tu dis la vérité ou pas. Première question, Cassandra. Est-ce que tu as un chéri à l'école? Non. C'est un petit non. Le temps que l'appareil nous décide. Elle ment. Ah, oh, c'est vrai. Oh là là. On a une cliente. C'est vrai que tu mens, Cassandra? Oui. Elle ment. Elle ment. Et y a, je rappelle forcément, vous êtes venu quand même avec votre papa ou votre maman, vos parents qui sont là. Qui est la maman? J'ai vraiment l'impression d'être à l'école des fans. Hein. Qui est la maman de Cassandra? Je suis avec Delphine, qui est choquée par les mensonges de sa fille. C'est vraiment l'école des fans. Oui, elle est en train de filmer sa fille en même temps. Delphine, ma chérie, oui. Donc tu l'as compris, ta petite Cassandra a un chéri. C'est ça. D'accord. Et je ne savais pas. Eh oui, il se marie au mois de novembre. Donc il faut... t'es invité, hein, Camille. Oh, bah, avec grand plaisir. Vous êtes tous invités. Delphine, tiens, d'ailleurs, prépare une ou deux questions parce que d'accord. Tu pourras poser une question à ta fille. C'est pas tous les jours qu'on a son enfant avec un détecteur de mensonges. Tu m'étonnes. Je vais en profiter. Bah tiens, ça tombe bien. Cassandra, je vais te poser une question puisque ta maman est là avec nous, Delphine. Cassandra, quand elle rentre à la maison et qu'elle parle un peu de sa journée, est-ce que ta maman aime bien son patron? Oui ou non? Dis oui. Attendez, ça, elle n'a pas répondu. Cassandra, est-ce que ta maman aime bien son patron? Oui. Oui. Vérité. Tu t'en sors bien. Tu t'en sors bien, Delphine. Cassandra? L'équipe aussi, hein, pouvait poser une question sur elle. Cassandra, ma chérie, est-ce que t'as déjà fait une bêtise à la maison, genre porter les vêtements de ta maman ou quoi, et abîmer un truc et tu t'es jamais fait attraper? Non. Non. Vérité. Vérité. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien, Cassandra. On est très très fiers de toi. Cassandra, j'ai une autre question à te poser. Est-ce que ta maman, Delphine, qui est là, aime bien ta maîtresse? Elle s'appelle comment ta maîtresse? Madame Payot. Madame Payot. Mensonge. C'est pas vrai. Hein. Ah, non, non, c'est pas vrai. Écoute, l'appareil ne trempe jamais, Delphine. Non, non, non. Cassandra, prépare-toi à changer d'école. Ça tombe bien, elle passe en sixième. Non, mais ça tombe... Tiens, Cassandra, est-ce que t'as déjà fait semblant d'être malade pour pas aller à l'école? Et t'as réussi à usurper Delphine, ta maman? Oui. On a un oui. Voilà. Vérité. Tu m'étonnes. Ben forcément. Cassandra, est-ce que t'as déjà caché une mauvaise note? Non. C'est vrai. Vérité, t'as de la chance. Elle s'en sort bien. Delphine, est-ce que tu veux profiter vraiment de ce moment avec ta fille devant 100 personnes? Oui. Ce beau moment d'intimité pour poser une question à ta fille. Est-ce que tu préfères mamie ou moi? Toi. Parce qu'il faut dire aussi que mamie écoute la radio aujourd'hui, hein. Mensonge. Je préfère sa mamie. Elle préfère mamie. Ouais, c'est normal, elle mange tout le temps des glaces chez mamie. Bah ouais. Il y a toujours des bons repas avec papy et mamie. Donc on fait ce qu'on veut avec papy et mamie. Bah oui, ils sont moins sévères, c'est clair. Voilà, c'est ça. Raccroche-toi aux branches, Delphine. On sait qu'à l'heure qu'il est, t'es brisé. Je rappelle pour tous les parents qu'une cellule psychologique est installée à l'enfant du studio pour toutes les saloperies que vont dire vos enfants sur vous. J'irai juste après, c'est bon, merci. Mais vous comptez sur toi, merci à Delphine, merci à Cassandra. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio, encore plein de choses qui arrivent, évidemment. On a une énorme surprise dans 10 petites minutes, les enfants. Vous allez être tellement heureux. Quelqu'un va venir chanter là, ici, en direct, dans ce studio. Ça va être complètement dingue, restez avec nous. Vous êtes sur Virgin Radio, le Kids Tonic, émission très particulière. Mais qu'est-ce qu'on est heureux ce matin d'être à vos côtés. On écoute Justice Dance. Vous aimez bien ça, les enfants? Justice? C'est trop bien. Vous savez pas ce que c'est? Bah... Vous pouvez être honnête avec moi, hein. N'hésitez pas. Eh ben écoutez, on va faire ça et on va danser tous ensemble. C'est parti, c'est le Virgin Tonic ce matin jusqu'à 9h30. On est très très heureux d'être avec vous. Bon courage. Virgin Tonic. Get ready to ignite. You must touch your pretty white.

euros frais de service. Coût de départ du 20 août au 4 décembre 2016. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. C'est vrai. Ouais. C'est gentil, Pascal. Je dois t'avouer que j'ai été séduite par... Le retour de l'alerte discount spécial frais. Aujourd'hui et demain, le poulet prêt à cuire Origine France est à 2,09€ le kilo chez Netto. 2,09€. Netto, le discounter qui fait la différence. Poulet prêt à cuire jaune ou blanc, 1,25€ environ. Kia. Voilà, les premières surprises de l'euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite aux portes ouvertes Kia du 10 au 12 juin. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. Virgin Radio. Virgin Radio. C'est eux qui nous ont fait nos jingles, bien sûr. Camille ? Les enfants sont toujours là, toujours à fond. On est épuisés, les parents aussi. Mais les enfants, eux, ils tiennent à grands coups de barbe à papa. Et ils sont à fond, oui. Et ma petite Laure. Un petit mot pour les chanteurs d'Anières qui sont en tournée du 10 au 26 juillet en Savoie. Voilà. Hey, les petits chanteurs d'Anières. Molo le melon, là. C'est quoi ? On part en tournée maintenant, les gars. Et l'école, on en est où, là ? Mais c'est, là, c'est les vacances. C'est les vacances ? Bah oui. Eh ben faut bosser le passeport hein. Ça va là Jay-Z là, on se calme hein. On redescend, elle est où Beyoncé là ? En tournée les gars, bah ok. Où s'arrêteront-ils ? Enfin un showcase aussi au Bayoli à Cannes à 2h du mat. Et juste après nous il y aura Usher bien sûr. Les petits chanteurs et les petits chanteurs d'Anières, on les a rencontrés, ils nous ont fait tous nos jingles et tout. Et alors maintenant les gars partent en tournée à travers la Savoie. Non mais holo les gars. Attends, il marche pas ton micro, mon chéri. Approche-toi, tendez-lui un autre micro. On a un problème de micro. Ok, problème de micro, les gars. Il voudrait faire un petit coucou. Je voudrais faire un coucou à un grand ami à nous qui s'appelle Mathieu et qui a malheureusement pas pu être là aujourd'hui, mais il aurait adoré. Ah oui, il était avec nous la semaine dernière. Il était avec nous la semaine dernière. C'est Matt qui est venu, il a chanté avec nous en direct, on l'embrasse très fort. Je voudrais lui faire un gros bisou et voilà. Eh ben, très bien, très bien. Merci à toi. Et. Et bonne tournée, les enfants. Ouais. Hein, bonne tournée. Vous avez un tourbus, là? Vous êtes dans quel délire, là, les gars? Ça y est, pétez pas les chambres d'hôtel. Hein. Mono, les gars, hein. C'est bon, là. Attention, ne faites pas une Rolling Stone, hein, les gars. Hein. Attention, là. Et les gars, attention avec les filles, hein, qu'il n'y ait pas le groupe qui split après. Hein. Pas qu'il y en ait qui trouve ça Yoko Ono, là, qu'on soit en galère, là. Les enfants, je vais vous poser une question. Tiens, et dans un instant. Très belle surprise. Pour vous tous qui nous écoutez et pour tous les enfants, dans un instant, vous allez halluciner, les enfants. Mais avant, je voudrais vous demander, il est temps d'être honnête, quel est le dernier mensonge que vous ayez fait? Ah, il y en a une qui s'est levée avant le tout le monde. Le dernier mensonge que vous ayez dit, on en profite, vos parents sont juste derrière. Je rappelle, on a que des enfants entre 6 et 10 ans ce matin, ils sont magnifiques, ils sont déguisés et en plus on les maquille, ouais. Donc ils ont un double déguisement. Ouais. Voilà, ton dernier exemple, mensonge. Devant moi, on a un chat déguisé en qui a en plus le maquillage donc d'Hello Kitty. Voilà. On a un ninja qui a en plus le déguisement de Yakuza. Ouais, ça. Ils sont magnifiques. C'est Naruto, il paraît. Naruto, ah. Très bien. Naruto, bien sûr, si vous avez un problème de vidange, voilà. N'hésitez pas. Un petit peu moins cher que Midas, bien sûr. Quel est le dernier mensonge que t'as fait? C'est quoi ton prénom, ma petite chérie? Alissa. Alissa, très bien. Et alors, ton dernier mensonge? C'est quand je suis partie à l'école et que j'ai fait semblant d'être malade et pour rentrer à la maison. Et ça a marché? Oui. Ah ouais? Donc t'as menti à la maîtresse, donc? Oui, je suis partie aux toilettes, j'ai fait semblant de vomir, et puis après, mes copines, elles sont parties voir le directeur pour dire « Elle a vomi oh !» C'est une future mannequin qui fait semblant de se faire vomir, c'est magnifique. Mais comment tu fais pour faire semblant de vomir? Ben en fait, je suis partie vers le chauffage, j'ai mis ma tête sur le chauffage, et quand elle a pris la température, Elle est trop fine. C'est merveilleux. Mais du coup, aux toilettes, tu faisais semblant de faire le bruit? Ça faisait quoi? Bah, le bruit de vomir. Vas-y, fais-le. Elle est énorme. Mais tous les enfants qui nous écoutent, la tête sur le chauffage pour faire genre, il y a de la température. Mais le vis, quoi. Tu me refais un petit coup le bruit? Ah. Un petit conseil pour la prochaine fois, tu mets de la compote dans ta bouche. Oh non. Ça marche pour les profs, il arrive. Bah, bien sûr. Alors attention, un autre mensonge qui a déjà fait, le dernier mensonge que vous ayez fait, les enfants. Personne vous engueulera, on est entre nous sur Virgin Radio. Moi, mon dernier mensonge, c'est j'ai dit à mes parents que j'allais lire dans ma chambre, mais en fait, j'ai allumé la console et j'ai joué. Ah non. Tu l'as pas fait peut-être? Tu lisais dans ta chambre, toi? On n'avait pas de console, nous. Les seuls aliments qu'on avait, c'était nos ongles. Oh, on ne rangeait que nos ongles. Je dormais dans une boîte d'allumettes. Une enfance difficile. Une enfance difficile. Est-ce qu'il y a des menteurs qui par là? Qui a déjà été un menteur? Superman. Quand ma mère elle me dit d'aller me coucher, je prends ma console et je suis dans mon lit. Sous la couette? Ah ouais. Oh là là, c'est un peu le même mensonge, mais sous la couette. À mon avis, là on a apparemment un menteur professionnel. Ton dernier mensonge? Mon dernier mensonge, c'est quand j'ai un prof particulier qui vient chez moi, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de contrôle, donc il n'est pas venu, mais j'ai changé la date du contrôle. Ils sont géniaux. Sinon, maintenant, tu mets la tête contre un chauffage et tu fais semblant de vomir. Ouais. Ça marche bien. Allez, un dernier mensonge, les enfants. Moi, c'était en fait, j'étais remplie de crachats, c'était des copains qui m'avaient craché dessus. Normal. J'ai fait croire à ma mère que c'était une bande de mecs avec une cagoule et un blouson noir qui nous a craché dessus. Donc t'as demandé à tes copains de te cracher dessus et après t'as fait. Mais non, ils ont craché dessus pour rigoler dans la cour d'école. Quoi d'autre? Attention, on a Jack Sparrow, le pirate. Dans l'école, il y a un truc qui est très froid et puis la maîtresse a dit t'es pas malade. Et puis moi j'ai mis la tête dedans et tellement que j'étais glacée, elle a dit bon, je vais appeler ta mère et puis je suis allée chez moi. T'as mis la tête dans la glace? Bah c'est l'inverse. Mais c'est l'inverse, normalement il faut avoir de la fièvre. Je sais, mais. T'avais que ça sous la main. Non. Et donc elle a cru que t'étais tellement froid qu'elle t'a fait rentrer chez toi? Oui. Ah bon? Ah parce qu'elle t'a puni en fait, c'était interdit. Bah oui, c'était interdit, mais moi je l'ai quand même fait. Puis après j'étais classée, elle m'a rentré chez moi et j'ai fait tout ça. Micro. Oh là là là là. Et toi, dernier. Tu craches sur le micro. Il se vanne. Et toi tu craches sur le micro, tranquille. Un dernier mensonge, est-ce qu'on a des menteurs? On a un menteur là? Non. Non. Moi j'avais un super mensonge quand j'étais petite. C'était quoi? Je faisais semblant d'aller me brosser les dents, je mettais un peu de dentifrice dans la bouche et je mouillais la brosse à dents. Ouais. Mais je me brossais pas les dents. Tu sais que c'est plus compliqué que de se brosser les dents. C'est ce que je me suis dit en fait au final. Mais sur le moment, ça me paraissait vachement mieux. On a un dernier mensonge. Je rappelle quand même que Laure est fille de dentiste. Bah ouais. Hein, de frérot ou de la Vega, je sais jamais. Tu es lequel des deux? Le. Le beau gosse. Ouais, ouais. Ouais, le stylé. En fait, c'était avec mon frère, on n'arrêtait pas de se battre. Et en fait, et je m'étais fait mal dans la cour et j'ai fait croire à ma mère que c'était lui qui m'avait fait mal et il s'est fait punir. Oh, eh ben dis donc, le groupe est mal barré, les frères. À mon avis, bah oui. Dernier, le tout dernier, après on lance les infos parce qu'on a une très très belle surprise pour vous tous qui nous écoutez dans un instant. En fait, ta soeur, j'étais pas en train de faire la queue pour aller à la cantine. Et là, j'ai dit, tu peux me garder les places, me garder la place. Je l'ai joué. Et quand je suis revenue, en fait, ils étaient déjà rentrés dedans. Donc j'ai dit, je suis rentrée dans la cantine. J'ai dit, ah, j'étais allée aux toilettes et après, je suis allée manger. Il a pas fait la queue, il est malin. Ah, mais voilà, tout ça pour gratter la queue à la cantine. Il est allé jouer en disant je vais aux toilettes. En fait, il a joué et il a dit à ses copains, j'étais aux toilettes, c'est pour ça. Ouais. Mais il a fait, tes copains ont fait la queue pour toi. Ouais. C'est génial. Ils sont sympas. Parce que, bah, écoute, faudrait que tu les présentes à l'autre qui se fait cracher dessus par ses potes. À mon avis, il est prêt à changer de copain. Lui, restez avec nous sur Virgin Radio. Enfin, tout dernier point sur l'actu, les amis. On est en direct dans le Kids Tonic. Dernière demi-heure, dernière ligne droite. Il y a encore plein de choses à faire. On a une surprise géniale qui arrive dans un instant. On en a une autre aussi, juste après le loyer. On fait une petite pause et on aura quand même le pop rock électro que vous aimez. One Republic, Counting Stars. Bienvenue sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisi. On est là en direct chaque matin à vos côtés, 6h, 9h30. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, 21 départements désormais en alerte aux orages et aux inondations ce matin dans le grand quart nord-est mais aussi en Normandie et région parisienne. Un risque de grêle sur le nord-est, de belles éclaircies sur la côte atlantique et la Méditerranée, 22 degrés cet après-midi à Paris, vous aurez 30 degrés cet après-midi à Nîmes. Dans les communes sinistrées, le nettoyage continue après les crues, le coût des dégâts est estimé entre 900 millions et 1,4 milliard d'euros. L'état de catastrophe naturelle doit être entériné ce matin en Conseil des ministres. La petite commune de Romanswiller dans le Bas-Rhin a été dévastée hier par une énorme coulée de boue qui a tout emporté. Le château de Chambord, lui, lance un appel aux dons pour faire face aux frais de réparation. Je vous ai mis le lien sur le Twitter de la rédac. La galère pour les usagers des transports. Les cheminots ont voté la reconduction de la grève pour ce mercredi. Trafic encore perturbé. 3 TGV sur 4, 6 TER sur 10. Par ailleurs, des militants anti-loi travail bloquent en ce moment la rue du domicile de la ministre Myriam El Khomri, située dans le 18e arrondissement de Paris. Le cardinal Barbarin est entendu en ce moment par des policiers lyonnais. Il est accusé de non-dénonciation d'actes pédophiles dans son diocèse. Il est entendu en comparution libre, c'est-à-dire sans placement en garde à vue. La Société Générale doit 455 000 euros à Jérôme Kerviel. La banque a été reconnue coupable de licenciement abusif hier devant les prud'hommes. Elle a fait appel. Prochaine étape au civil, cette fois dès la semaine prochaine devant la cour d'appel de Versailles. À l'étranger, c'est fait pour Hillary Clinton. À 68 ans, elle remporte les primaires démocrates. En tout cas, elle revendique cette victoire lors d'un discours cette nuit à New York. Elle affrontera le républicain Donald Trump le 8 novembre. Barack Obama lui a téléphoné ce matin pour la féliciter. Mais Bernie Sanders, lui, ne s'avoue pas vaincu. Pour autant, il affirme qu'il continue la campagne. Une date à retenir dans votre agenda, le début des soldes d'été, ce sera le mercredi 22 juin. Ils s'étaleront jusqu'au 2 août, sauf dérogation pour quelques départements. Les Français ont prévu de dépenser plus cette année que l'an dernier. Les hommes, notamment, avec un budget en forte hausse, 351 euros en moyenne contre 261 euros l'an passé. Et ça urge, 44% des Français interrogés par YouGov ont l'intention de craquer dès la première des marques. En foot, le successeur de Laurent Blanc pourrait être Unai Emery. Les dirigeants du PSG seraient en négociation avec le stratège espagnol. Le journal Le Parisien rappelle qu'il vient de remporter 3 Ligue Europa d'affilée à la tête du FC Séville. Voilà pour l'actu. Tout de suite, Kids Tonic, une émission spéciale Kids avec Camille Combal jusqu'à 9h30. Très bon réveil avec nous. En direct sur Virgin Radio, mercredi 8 juin, milieu de semaine. Je sais que c'est toujours un petit peu plus difficile pour vous, mais on est là à vos côtés. On vous lâche pas, 6h-9h30 avec toute l'équipe. Oui, entièrement déguisée, émission spéciale enfant. C'est le Kids Tonic ce matin depuis 6h et pendant encore une demi-heure. Vraiment, les enfants ont pris le pouvoir ce matin sur Virgin Radio. On passe une matinale géniale. J'espère que vous aussi. J'ai quand même un dernier loyer à vous payer à 9h20. Rassurez-vous, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Mais pour le moment, une très très belle surprise surprise. On va parler avec elle après, c'est vraiment une copine de l'émission. Elle est venue nous voir souvent, mais avant, pour les enfants quand même, elle va vous chanter une chanson que vous adorez. C'est la chanteuse originale, même si tout le monde la reprend, moi le premier, j'arrête pas de la chanter. C'est Anaïs Delva, qu'on peut applaudir, qui est avec nous ce matin. Et qui chante, bien sûr, La Reine des Neiges et plein d'autres choses. On va en parler avec elle, mais notamment La Reine des Neiges. Et bien, c'est parti, c'est en direct sur Virgin Radio. Anaïs, qui a fait à peu près 40 secondes de répète. Oui, il est tôt, là. À 9h du mat' en plus, donc un gros merci à toi d'être là. Les enfants et puis les gens qui écoutent, ils vont chanter avec moi. Hein. Et bien, écoute, on va tous chanter avec toi, avec grand plaisir. C'est parti, La Reine des Neiges, c'est pour vous, les enfants. Et c'est en direct sur Virgin Radio. Oui, délivré. Je ne mentirai plus jamais. Libérée, délivrée, c'est décidé, je m'en vais. L'hiver s'installe doucement dans la nuit. La neige est reine à son tour. Un royaume de solitude. Ma place est là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Avec moi, et me voilà, oui, je suis là. Libéré, délivré, le froid est pour moi le prix de la liberté. Quand on prend de la, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je peux enfin respirer dans ce désert de neige. Adieu le printemps et l'été, je préfère mes sortilèges. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Et me voilà, oui, je suis là. Libéré, délivré, le froid est pour moi le prix de la liberté. Ici, je vis la vie que j'ai choisie. Je suis partie pour reconstruire ma vie. C'est dit, c'est ainsi. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré. Et à tous les enfants qui ont chanté avec elle. Comment tu t'appelles? Alissa, bravo Alissa. Merci de m'avoir accompagnée. On applaudit Alissa. On applaudit Alissa aussi. Anaïs Delva chante les princesses Disney. Alors il y a l'album et elle sera le 18 septembre au Trianon de Paris, puis en tournée. 18 septembre, c'est mon anniversaire Anaïs. Bah tu viens alors. Me chauffe pas. Je sais pas moi. Moi je fais un duo. Bah d'accord. Je suis en train de lui pourrir son trianon, elle est pas bien du tout. Et t'es à la, sur ça, alors, tu vois, je la prends. T'es dans le spectacle La Dame Blanche aussi avec Arthur Junior au Palais Royal à Paris. Ouais. C'est cette semaine, puis du 27 juin au 9 juillet. Ouais, et puis je fais les dernières aussi, les 22 et 23 juillet. Donc là, ce soir, t'es au théâtre et avec nous ce matin. J'y étais hier soir, ouais. Oh là là. J'ai fini tard. Il est tôt. Et on peut l'applaudir, Anaïs, c'est un beau cadeau. Et bravo hein, aux enfants qui ont chanté. Ça va pas de me faire faire des choses pareilles. Ah mais c'est très tôt. Je sais que c'est très tôt. Et alors, on a une habitude avec toi, c'est qu'on t'a préparé un petit quiz. Ah, ah oui, oui, c'est ça, oui. Alors, on t'a préparé un petit quiz et les enfants, vous allez devoir essayer de trouver la bonne réponse. Donc, écoutez bien le quiz. Si vous trouvez la bonne réponse, vous êtes les meilleurs. Attention, Anaïs, alors, on y va quand tu veux. Les enfants, vous m'écoutez ou pas? Ok, qui a dit non? Attention, hein. Alors, je vais chanter un petit truc et vous devez trouver la réponse. C'est bon? Ok. Ok, j'y vais. Il est grand et tout vert, c'est pas le géant vert. Et non, faut pas trop l'énerver, sinon il va tout casser. Ouais, c'est cool, c'est ça, c'est Hulk. Bravo les enfants. Ok, bravo. Un point par ici. J'avais une fausse réponse ici. Ouais, c'est toi qui l'as trouvé. Vous êtes prêts pour la suite ou pas? J'ai cru que c'était Camille. Attention. C'est vrai que j'ai un côté. Attends, très... Attention Anaïs, deuxième question de ce quiz. Il a le nom d'un pays, mais c'est pas l'Italie. Haut gradé dans l'armée et il est très musclé. Et non, c'était François Hollande. Et là, c'est tous les garçons de la salle qu'on trouvait, tous les petits garçons. On va s'en faire un dernier avec Anaïs Delva. Attention, Anaïs, donne tout. C'est parti, c'est à toi. Dernier quiz pour les enfants. Attention, dernier quiz pour les enfants. C'est pas facile, hein. Il y a son logo dans le ciel. Ok, bah. Ok, fin du suspense. Il a des faux ailes, il combat le Joker. Non, non, non, non, non, je parle pas Batman. Du jus d'orange. Qui a écrit ça? C'est Batman, c'est ça? C'est Batman. Vous avez trouvé déjà. Bonne réponse, les enfants. Ah, tu m'as dit quoi? Mais j'en ai pas d'autres, ils m'en ont pas écrit d'autres. Attendez, parce que là, j'ai quelqu'un qui m'a donné en premier la bonne réponse. Et comment tu me l'as donné? Bah j'ai regardé sur ta feuille. Eh ben voilà. Ah voilà. T'as tout compris. Mais évidemment. Et Anaïs, c'est une copine de l'émission, elle vient souvent nous voir, on est tellement heureux. L'album Les Princesses chantent Disney. On est d'accord, bah, Anaïs? Non, c'est pas Les Princesses chantent Disney, c'est Anaïs. Non, Anaïs, elle va chanter Les Princesses Disney. T'as dit n'importe quoi. Bah ok, c'est vrai, excuse-moi. Je suis en garderie depuis 6h du matin. Je vais dire un truc, moi je suis à cran. J'ai essayé 3 fois du nez à l'heure actuelle. J'en peux plus. Okay. Il faut une semaine aux Canaries, là, pour me remettre cette matinée. Je crois que tu te rends pas compte. Je gère un centre aéré, moi, depuis ce matin. Bienvenue dans ma vie. Camille, en fait... C'est-à-dire que moi je suis pas père, j'ai pas encore cette chance, mais d'un coup j'ai pris 50 enfants d'un coup. Je sais ce que ça fait 3 ans. Et les enfants, ils sont vraiment géniaux, ils sont tous déguisés ici avec nous dans les studios, les images sont sur le Facebook. On peut réapplaudir très fort Anaïs Delva, l'album le 18 septembre au Trianon à Paris. Allez l'applaudir aussi. La Dame Blanche, c'est un cadeau magnifique de venir chanter comme ça sans répète à 9h du mat, je sais ce que c'est. Merci beaucoup ma chérie. Bah merci à vous. Et aux enfants, d'avoir chanté. Ah, tu vas me recoucher si ça vous arrange pas. Non, d'ailleurs, ils ont rangé la chambre tout à l'heure. Tu peux aller dormir. Dans la chambre, elle est toute rangée. Restez avec nous, les amis. Dans un instant sur Virgin Radio, un dernier cadeau pour vous, les enfants. Puisque Kendall de Big Time Rush, une série qui cartonne. Eh ben, il sera avec nous là. Il va chanter en live dans le studio. Lui aussi, Kendall de Big Time Rush. C'est une série sur Gulli que les enfants adorent. Eh ben, il va être là, en direct, dans les studios. Waouh! Comme des fous, là aussi. Restez avec nous sur Virgin Radio, 9h14. J'ai surtout un loyer à vous payer, rassurez-vous. L'émission, elle est très particulière, mais c'est tellement un kiff d'être avec tous ces enfants. Mais le loyer, je vous le paye là, dans 5 minutes à peine. Loyer au 7-12 reste par SMS pour vous inscrire. Je vous souhaite bonne chance à tous et on retrouvera le pop rock électro de. Kungs, This Girl. Bon réveil à tous, merci. Allez, allez, allez. Oh, c'est la mi-temps. Voilà. Vous prendriez pas une petite douceur là pour calmer le jeu? Un magnum double. Merci de nous. Vous gênez pas. Chez U, la boîte 292 grammes de 4 magnums double caramel ou peanut butter est à 2,15€, soit 40% de remise immédiate. Oh, c'est délicieux. Oh, c'est reparti, Lindo, c'est reparti. Allez, allez, allez. C'est à 7,36€ le kilo jusqu'au 18 juin dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Pour votre santé, bougez plus. Hello les filles, c'est Sananas.

sur Virgin Radio ce matin. Sur Virgin Radio. Camille, ça va être ta fête. Les amis, bienvenue sur Virgin Radio. On est en direct. Les enfants, vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là, les enfants? Énorme surprise pour eux, les enfants, puisque Kendall de Big Time Rush est déjà avec nous dans les studios. Il va chanter en live dans un instant. Alors vous qui nous écoutez sur Virgin, si vous avez à peu près mon âge, vous allez peut-être le découvrir ce matin, Kendall. Mais voilà, pour les enfants de 6, 10, 12 ans, ils ont une série sur Gulli. C'est l'équivalent pour moi de voir les E17, pour Laure de voir les Wham, peut-être pour vous de voir les Rolling Stones. C'est incroyable, les enfants sont comme des fous, ils se jettent sur lui. C'est une star énorme auprès des enfants. Comme voilà, des Violetta, des choses comme ça. Et voilà, avec son groupe, le Big Time Rush, et ben ils vont nous faire un live dans un instant, mais juste avant, 9h22, on est déjà un peu en retard. Il est temps de vous payer une dernière fois votre loyer. On l'a fait à 6h20, 7h20, 8h20. C'est le dernier tirage. On a eu deux gagnants, un perdant, Laure. Deux gagnants, Frédéric et Jérôme, et Julien n'a pas décroché, malheureusement, à 8h20. Malheureusement, il y a une heure, et c'est donc le dernier tirage au sort de la matinée. Attention, c'est parti, je vous souhaite bonne chance à tous. On tenait à garder le loyer, même si l'émission était très particulière, vous pouvez avoir toutes les images sur Facebook. On a vécu une matinale incroyable avec les enfants, mais on tenait quand même à vous faire ce beau cadeau, vous filer un coup de main pour ce mois de juin. Et il y a quelqu'un qui a répondu. Allô, qui est là? Oui, c'est Ambre. Ambre, ma chérie, ça va bien? Oui. Ça va? Bah, pleure pas. Ne pleure pas, ma belle. Tu viens d'où? Je viens du 89. D'accord. À côté d'Auxerre. T'es chez toi ou t'es au travail? Je suis au travail. Tu travailles dans quoi? Je suis conseillère en séjour dans un office de tourisme. D'accord, très bien. Et alors, il y a quoi de bien à voir dans Lyon? Alors moi, je travaille dans le 10, par contre. J'habite dans Lyon, mais je travaille dans le 10, dans l'Aube. Ah d'accord, vous avez vu, elle pleurait en me décuve par le son travail. Non, en revanche, moi c'est dans l'Aube, puisqu'on a également des séjours à Crobranche ainsi que des semaines de relaxation. Ambre, ma chérie, on a une question importante à te poser, mais je pense que tu auras la bonne réponse. Oui. Surtout, te plante pas, t'auras pas une deuxième chance. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Oh là là là là. Oh, tu me mets les frissons. Eh bien, les gens qui viennent là à l'office du tourisme de l'Oise, là, ils doivent se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'ambiance? Non, mais je vais être dans un état pitoyable aujourd'hui. Oh non, j'espère, c'est que du bonheur, ma chérie. Il est combien ton loyer? De 610 euros. De 610 euros, eh bien, on te fait le chèque tout de suite, ma petite Ambre. Merci, c'est vraiment génial parce que je viens d'emménager avec mon chéri, donc en fait, ça va être vraiment un bon coup de pouce. Ah, eh bien, tu sais quoi, on t'offre 2 mois, ma chérie. Oh, sérieux? 2 mois pour vous, comme ça, ça en fait un chacun. C'est pas possible. Comme ça, vous pouvez vous séparer si vous voulez. Oh, non, non, jamais. Je te jure, ma chérie, 2 mois de loyer pour toi, on te fait un chèque de 1220 euros. Ça veut dire qu'on a payé 3000 euros de loyer. 3000 euros de loyer encore offert ce matin, et ça continuera demain puisqu'on sera une nouvelle fois en direct, 6h, 9h30. Ben, ça me fait très plaisir. Embrasse toutes tes copines du boulot. Je t'embrasse, Ambre. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Continuez. Vous êtes juste génial. Vraiment génial. Mais t'es un ange. Ben, c'est pareil, ma chérie. T'inquiète pas. C'est l'émotion. Il n'y a aucun problème. Je t'embrasse très, très fort, ma belle. Merci d'avoir participé. Désolé pour tous ceux qui n'ont pas été tirés au sort. Mais quand on attend quelqu'un d'aussi heureux, c'est pas grave. Ce sera votre chance demain. J'en suis sûr. Les amis, vous nous avez suivis si nombreux sur le Kids Tonic. C'est incroyable ce qui s'est passé sur les réseaux. On est heureux, on lit tous les messages. Vous avez beaucoup aimé, je crois, l'émission. Nous, on s'est éclaté à la faire, sincèrement. Ouais, c'était génial. C'est dingue. Voilà, on avait décoré entièrement le studio, les enfants déguisés, l'équipe déguisée. On a passé une matinale fantastique. Je ne sais même pas si ça a été déjà fait, mais alors, c'est à refaire en tout cas. Ouais. C'était génial. Vraiment, oui, Laure. Tu vois, je te l'avais dit, on s'éclate 10 fois plus avec les enfants qu'avec les adultes. Mais c'est vrai, oui, ma popo. En 3h30, on n'a jamais fait autant rire. Franchement, c'est les meilleures vannes. Mais c'est fantastique. Vraiment, on a passé un moment génial. C'est loin d'être fini, hein, puisque Kendall va chanter en live, mais je voudrais d'abord tous vous remercier. Je voudrais remercier déjà les enfants qui sont venus ce matin, merci qui sont enfants. Tous déguisés, qui ont joué le jeu. Bravo. Merci de votre gentillesse. Je voudrais remercier aussi tous les parents qui ont eu la gentillesse de se lever très tôt, d'amener vos enfants et qui vont pleurer toute l'après-midi parce qu'ils sont fatigués. C'est clair. Il va y avoir que des caprices, mais un grand merci à vous tous, vraiment, vous êtes des amours. Delphine qui est passée à l'antenne tout à l'heure avec sa fille Cassandra. Je voudrais vous remercier donc d'être venus, merci de nous avoir suivis, merci à Playmobil, à Lutia, Smarties qui ont décoré aussi ce studio. Ouais. Pour régaler les enfants en bon bec. Merci à la Japan Expo qui est là du 7 au 10 juillet à Paris. Évidemment, demande un séjour en Guadeloupe à vous offrir. Des places pour le Axe Boat Festival, 4 fois le loyer. Je voudrais aussi remercier Anaïs Delva qui a été notre invitée. Et les petits chanteurs d'Anière. Oh là là, qui partent en tournée en Savoie. Melon complet, ceux-là. Ça y est, on les a perdus. Et là, les enfants, faites-moi plaisir. C'est la dernière surprise et il vient de très très loin pour vous. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Kendall qui est avec nous de Big Time Rush. C'est énorme. Je vous dis, vraiment, je suis allé voir, évidemment, quand j'ai su qu'on le recevait. C'est un phénomène hallucinant que je connaissais pas parce que voilà, j'ai pas d'enfant et tout, mais c'est hallucinant. La série, elle passe sur Gulli. C'est la série du même nom. C'est Big Time Rush. Kendall est là. Kendall, you speak French? Very little. When I told the kids you were going to be there, they didn't believe me. Ils m'ont pas cru, les enfants. Ils ont cru qu'on allait écouter le morceau. They thought we are going to listen the song. Il y a de la progression. Boyfriend. Ouais. It's called Boyfriend. Sorry? The song is called Boyfriend. The song is called Boyfriend, but they didn't imagine you would be there. They didn't believe us. I'm here. He's here. Kendall for you. Kendall for you. Je fais du Nelson Montfort. Kendall pour vous de Big Time Rush. La chanson s'appelle Boyfriend. On se quitte avec ça, les amis. C'était une matinale spéciale pour vous faire plaisir, les enfants. On vous a fait plaisir? On n'entend rien. Bah, dis non, on c'est sympa. Pas. Vous êtes régalés. Vous allez partir avec plein de surprises. Les ballons sont en train de s'arracher partout. Le studio, c'est n'importe quoi. Les mobiles aussi. On les embrasse très très fort. Bien sûr, les amis. Oui. Il y a le donc l'enfant déguisé en patron de la radio qui avait quand même un petit mot à dire sur ton anglais apparemment. C'est quoi? Regardez. Il a le niveau de cinquième. Il a arrêté l'anglais en cinquième. Et merci aussi à la compagnie du Bob qui nous a fait vraiment beaucoup aider pour décorer ce studio. Kendall, c'est à toi. Le studio est à toi. On se quitte avec toi. Good luck, Boyfriend. Thank you. C'est parti. C'est en live sur Virgin Radio. On l'applaudit bien fort. Bravo. Oh. Hey. Yeah, ba ba ba ba ba ba ba boyfriend. Yeah, ba ba ba ba ba ba ba boyfriend. Yeah, ba ba ba ba ba ba ba boyfriend. Yeah, ba ba ba ba ba ba. Have you ever had the feeling you're drawn to someone? Yeah, and it isn't anything we could have said or done. And every day you see you on your own, and I can't believe that you're alone. But I overheard you girls, and this is what they said. That you're looking for a boyfriend. I see that. Give me time, you know I'm gonna be that. Don't be scared to come, put your trust in me. Can't you see? All I really wanna be is your boyfriend. Can't fight that. Knock me down, you know I'm coming right back. I don't care at all what you've done before. All I really want is to be your ba ba ba ba ba ba ba boyfriend. Your ba ba ba ba ba ba ba boyfriend. Your ba ba ba ba ba boyfriend. Your ba ba ba ba ba ba. Let me take a little moment to find the right words. So when I kick it to you, it ain't something that you heard. And I don't know what kind of guy that you prefer, but I know I gotta put myself a word. See, I think I got the kind of love that you deserve. And I heard that you're looking for a boyfriend. I see that. Give me time, you know I'm gonna be that. Don't be scared to come, but you trust in me. Can't you see? All I really wanna be is your boyfriend. Can't fight that. Knock me down, you know I'm coming right back. I don't care at all what you've done before. All I really want is to be your ba ba ba ba ba ba ba boyfriend. Your ba ba ba ba ba ba ba boyfriend. Your ba ba ba ba ba boyfriend. I'm waiting here every day like some dark millionaire, bigger than the twilight love affair. I'll be here, girl, I swear. Said you're looking for a boyfriend. I see that. Give me time, you know I'm gonna be that. Don't be scared to come, but you trust in me. Can't you see? All I really wanna be is your boyfriend. Can't fight that. Knock me down, you know I'm coming right back. I don't care at all what you've done before. All I really want is to be your ba ba ba ba ba ba ba boyfriend. Your ba ba ba ba ba boyfriend. Your ba ba ba ba ba boyfriend. Your ba ba ba ba ba ba ba ba. Thank you. Merci beaucoup, merci beaucoup. Virgin Radio. Pop.